Mettons les téléphones sur silence. Mettons les téléphones sur silence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier, frère. On peut prier, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous hier. Merci pour la nuit. Merci pour nos âmes que tu as transformées. Merci pour nos cœurs que tu as touchés. Merci pour ceux et celles que tu as guéris. Merci pour la restauration des vies, pour le changement de mentalité. Amen. Merci, Père de gloire, pour les nouvelles orientations que tu accordes. Seigneur, nous voici, ô Dieu de gloire, devant toi, avec ce peuple. Je les amène au-devant de toi, Père, afin que tu donnes, ô Dieu de gloire, à chacun selon son besoin. Je prie surtout, ô Dieu de gloire, que tu leur donnes de comprendre l'importance du salut de leurs âmes, de l'importance de vivre dans cette terre-ci, ô Dieu de gloire, à cette heure de grande perversion, qu'ils vivent sans tache, sans ride, ni péché, Père de gloire, mais qu'ils aient les regards toujours fixés sur toi. Nous nous recommandons entre tes mains maintenant que toi seul tu diriges ces moments-ci dans ce pays, ce beau pays, le Gabon, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ceux qui sont encore en route, préserve les pères de gloire et amène-les sous tes ailes puissantes. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Faites asseoir le papa là ici. Faites-le asseoir ici parce qu'ils ont des questions à poser. Oui. Deux places. Deux places. Est-ce que quelqu'un est assis là? Ils ne sont même pas galants. Ils laissent les femmes s'asseoir là-bas et s'asseoir sur les mousses. Bonjour, bonjour et bonne arrivée. Je vous asseoir. Donc vous qui venez d'arriver, vous qui êtes dehors, mais il y a assez de place. Si c'est possible, c'est bon, oui. Oui. Vous êtes à l'aise aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi papa ne s'assoit pas ici? Ok, ok, avec le dos. Vous qui venez d'arriver, vérifiez que les téléphones soient éteints pour que ça ne fasse pas de bruit quand on va travailler. Vérifiez s'il vous plaît que votre téléphone soit éteint ou bien s'il vibre pour que ça ne dérange pas. Vous avez bien dormi? Vous avez mal au dos? Le corps vous fait mal? Le Seigneur vous aime, d'accord? Le Seigneur vous aime. Il y a des personnes qui sont rentrées, c'est au niveau des toilettes qui sont rendues compte, n'est-ce pas? Amen. Uh-huh. Vous avez remarqué ce que vous avez fait aux toilettes, non? Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quand vous partez comme ça, je suis à la maison, je prie pour vous, je regarde chacune, une à une, pour voir ce qu'il en est. C'est comme ça. Donc, je crois que. On va travailler après. On va trouver un jour pour ceux qui veulent, à moi, en dehors de celle-là que j'ai pointé hier, avec qui je veux causer. Les autres, vous pouvez venir, on va trouver un jour, on va convenir d'un jour où je vais vous rencontrer, si vous voulez qu'on cause, de façon privée, d'accord? Je vais vous rencontrer celui-là pour vous. Et ne vous inquiétez pas, je vais encore revenir ici. D'accord? Je vais revenir, on va passer du temps. Il faut que vous soyez bien, bien, bien bâti. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est une nouvelle donnée. Une nouvelle donnée qui est en réalité une ancienne donnée. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on s'était écarté de la norme biblique. Et on avait normalisé l'écart dont on a écarté. Maintenant, il faut qu'on retourne à la norme biblique. C'est pour ça qu'il dit que c'est une nouvelle donnée qui est en fait une ancienne donnée. Regardez très attentivement. Ce qui tient entre les mains, c'est les saintes écritures. La Bible déclare, dans cette Bible-ci elle-même, que la parole de Dieu ne peut pas changer. D'accord? Et la Bible déclare qu'on ne doit rien y ajouter et rien y retrancher. C'est vrai que si on a ajouté quelque chose, il faut qu'on retranche. Si on a retranché quelque chose, il faut qu'on remette. Donc ça doit être dit tel que cela. Et par conséquent, nos vies spirituelles à nous tous doivent être conformes à ici. Dieu n'a pas donné autre mesure. Vous suivez, n'est-ce pas? Le Seigneur, Dieu des cieux, n'a pas donné autre mesure. Ce n'est pas vous qui fixez votre règle de votre vie spirituelle. Ce n'est pas le pasteur qui fixe les règles de votre vie spirituelle. Le canal par lequel nous sommes, c'est justement et seulement pour vous montrer que voici la norme. Et cette norme, c'est pour chacun de nous, pas pour avec n'importe qui. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, vous et moi, nous avons pour obligation. Si nous voulons marcher après Dieu, enfin, on n'a pas le choix parce que sinon, on va se retrouver toujours devant lui pour être jugé. On a donc pour obligation de vivre conformément à ce qui est écrit ici. Vous avez moi. C'est pour cela que depuis qu'il m'a appelé, c'est la base de ma vie ici. Tous les domaines de ma vie, c'est ici. Quand vous voulez dire n'importe quoi, il dit, est-ce que ce que tu veux qu'on fasse, c'est conforme à la parole de Dieu? Donc la parole de Dieu doit régulariser tout ce que vous avez à faire. C'est pour ça qu'il dit que c'est une révolution. Peut-être que vous avez grandi dans la religion. Vous avez allé de lieu en lieu, de lieu en lieu, et vous avez essayé d'apprendre ça et là, les différentes manières de plaire à Dieu. Vous devez comprendre que la seule et unique façon de faire, c'est ici. C'est ici dedans que c'est mentionné. Et vous avez remarqué donc que depuis que nous sommes entrés dans votre pays, nous ne cessons de vous conduire seulement dans la parole. Et le but pour lequel je fais ainsi, c'est pour que vous vérifiez désormais que si n'importe qui vous dit n'importe quoi, la chose qu'il vous dit doit être conforme aux Saintes Écritures. Ne déposez pas la Bible comme ça, vous dites que non, c'est le pasteur, c'est un grand pasteur. Je ne peux pas parler contre le serviteur de Dieu. Il faut d'abord préalable que Dieu vous ait dit que c'est son serviteur là-bas. Parce que ce n'est pas tous ceux qui portent la Bible qui sont serviteurs de Dieu. Il y en a la majorité. Et Dieu nous a prévenus comme ça. D'accord? Il y a la majorité. Donc ce matin, avant de prendre dans la deuxième partie votre question, j'aimerais parler de l'enrichissement des pasteurs. Ce thème, je vais parler de ce thème-là. Les techniques de mensonge d'enrichissement des pasteurs. C'est le titre de ce qu'on va parler ce matin ici. Vous avez moi? Ou bien vous ne voulez pas qu'on parle de cela? Ou bien vous voulez qu'ils prennent d'abord vos questions, si vous avez des questions. Si derrière vous ne m'entendez pas, vous me dites, je lève la voix. Vous, dont le Saint-Esprit a touché hier, je veux que vous vous souveniez de ce qu'on a dit à l'entrée. Je veux que vous vous souveniez de ce qu'on a dit à l'entrée, les versets qu'on a lus à l'entrée, les exhortations que vous avez eues à l'entrée. Quand le Saint-Esprit vous visite, il y a une réponse en conséquence. Si ce n'est pas le doigt de Dieu qui vous chasse les esprits, le royaume de Dieu est venu vers vous. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc Dieu vous attend dans son royaume. C'est ce qu'il a dit. Donc j'ai dit l'enrichissement, il est ici, ou bien la technique des mensonges d'enrichissement des pasteurs. Comment les... Je vais commencer à vous donner les passages, d'accord? J'attends seulement qu'il les déclenche. Mais en attendant, il va bavarder en attendant. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous aime, je vais dans beaucoup de pays pour prêcher, mais votre pays est particulier. La façon que j'ai vu Dieu se manifester ici, il dit que votre pays est particulier parce que vous aviez soif de Dieu, mais on vous a détourné de plusieurs façons avec les faux messages. Et je crois que ce n'est que le début. La prochaine fois qu'on va venir, mais je vous promets que la prochaine fois qu'on va venir, pour qu'on prie, on va faire 3 jours sans manger, sans boire. D'accord? Il faut déjà que vous vous entraîniez au jeûne. Vous comprenez, non? Vous entraîniez au jeûne. Votre vie spirituelle doit être disciplinée par cela. Vous devez fixer vous-même vos propres programmes de lecture et de prière. Vous n'allez pas attendre que quand vous vous réunissez ainsi, avant que vous lisez la Bible, ce n'est pas normal. Vous devez prendre l'engagement de lire la Bible. D'accord? Donc vous commencez à partir de maintenant la lecture. Éteignez le téléphone. La lecture à partir des livres de Matthieu. Vous lisez doucement en montant. En montant. Vous allez voir donc que c'est à défaut de cette façon d'agir qui a fait de telle sorte que les pasteurs peuvent vous tromper n'importe comment. Lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible et que la Bible vous lit, vous donnez l'opportunité et les outils au Saint-Esprit de pouvoir vous révéler quand quelqu'un est faux ou bien quand il est vrai. Le Saint-Esprit redépose l'écriture dans ton esprit pour mettre la sonnette d'alarme là-dessus qu'il est en train de mentir. Ceci n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Comme on va voir tout à l'heure là. Donc, lorsque vous allez prendre l'engagement désormais à marcher avec le Seigneur, veillez éteindre le téléphone. Enlevez la batterie si ça dérange. Lorsque vous allez prendre les Saintes Écritures désormais, généralement, je vois beaucoup de personnes commencent à dire le livre c'est tellement embrouillé. Mais vous voyez que vous avez fréquenté. Vous aviez le livre des sciences, le livre de géographie, le livre d'histoire, le livre de mathématiques. 4 livres, si je prends seulement ceux-là, sans compter les orthographes et français. Que vous étiez obligé de lire, parce que là vous attendiez un parchemin, un petit parchemin, on va dire, où vous avez le brevet ou quoi que ce soit, le baccalauréat. Et là, pour votre fierté personnelle. Mais ici, se trouve un livre que ça te rend conforme au divin créateur. Et ça fait retenir l'enseignant que vous marchez comme il veut. Vous devez prendre ceci au sérieux mieux que votre livre de l'école. Mieux que toute autre chose que vous pouvez faire. En fait, c'est la chose que vous devez faire de façon parfaite. Donc prenez la Bible, n'essayez plus de dire c'est compliqué pour lire. Les mathématiques, même que c'était compliqué, même quand on vous donne souvent zéro, ça ne fait pas, ça n'empêche pas que vous ne le lisiez pas. Vous avez fait tout et tout, jusqu'à ce que vous avez quitté l'école là, non? Vous êtes débrouillé à avoir même 6, on a arrondi à 7. Donc vous avez quand même lu. Lisez la Bible, lisez la Bible. Dieu n'a pas demandé de lire et comprendre. Votre rôle c'est de lire, méditer. C'est lui qui met ce que vous allez comprendre dans votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de lire la Bible, comprendre d'un seul coup. Parce que toute la vie, on doit y dépendre. C'est pour cela que je passe mon temps à l'intérieur. Je lis, je lis, je lis. Au Cameroun, il y avait un garçon qui était venu me voir en 2010. Il m'a demandé de lire la Bible. Il bouge la tête. Il ne sait pas pourquoi il bouge la tête. Il dit, oh, il va dehors, il entre, il va dehors, il entre. Après, il vient, il est dépassé. Il dit, frère Junior, il dit, oui, quel est le problème? Il dit, tu connais déjà toute cette Bible? Il dit, absolument. Il me dit, pourquoi tu continues à lire? Je lui pose la question, depuis combien de temps tu as mangé le riz? Il dit, hier, j'ai mangé. Il dit, tu as mangé ce riz ici. Avant, tu avais mangé, une semaine, tu avais mangé. Tu as mangé le riz. Tu as goûté le riz une fois. Pourquoi donc tu continues à manger? Vous voyez? Autant, si vous arrêtez de manger sur le plan physique, arrêtez de lire la Bible. Tant que vous n'allez pas arrêter de manger sur le plan physique, n'arrêtez pas aussi de lire la Bible. Parce que comme vous nourrissez votre chair de la nourriture naturelle, ainsi vous devez nourrir votre esprit de la nourriture spirituelle. Vous comprenez? Donc, vous arrêtez seulement quand vous êtes mort. Amen. Amen. Michée chapitre 3. Michée, notez, notez seulement, notez, on va y revenir. Le livre du prophète Michée chapitre 3, verset 1 à 5. Michée, le chapitre 3, verset 1 à 5. Vous y êtes? Marc chapitre 6. Et Marc chapitre 8. Jean, le chapitre 12. Si j'avais vu tout, me dites. J'ai commencé par dire Michée au chapitre 3, verset 1 à 5. Oui. Marc, chapitre 6. Je vais y revenir parce qu'on va donner le passage. Marc, chapitre 8. Jean, chapitre 12. D'accord? Matthieu, chapitre 10. Et Luc, chapitre 10. Galates, chapitre 6. Luc chapitre 10. J'ai dit Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre. Galates chapitre 6. Galates le chapitre 6. Quand on va commencer, quand il va commencer à discourir, tout ça va se retrouver là-bas au fur et à mesure. 1 Corinthiens le chapitre 8. Et 2 Corinthiens aussi. Chapitre 8. Chapitre 9 et chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15. Apocalypse, chapitre 3. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Verset 14 à 22. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Pendant que vous y êtes, je crois que à la dernière pause, il faut que les frères partent regarder les cours d'eau là-bas. Ceux qui voudront se baptiser, il faut qu'ils soient baptisés. D'après la Bible, vous n'avez pas le droit de suivre un enseignement biblique sans être baptisé. Vous devrez être baptisé. D'accord? Et on doit vous plonger dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Si vous n'êtes pas plongé au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est en son nom que tout se passe. Il n'y a pas sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Comme on chasse le démon au nom du Seigneur Jésus. On prie, on a accès au Père au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, en est-il du baptême. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. J'ai dit Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 22. Vous avez noté Jérémie. Jérémie le chapitre 5. Verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Le chapitre 23 de Jérémie toujours. Vous avez noté Deutéronome 8. Que Dieu vous bénisse. Psaume le chapitre 33. Psaume 33. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, d'accord? Luc chapitre 6. Je ne sais pas si le Seigneur peut permettre qu'on finisse ce thème-ci aujourd'hui, mais je vais faire l'effort de mettre l'essentiel. Luc chapitre 6. Vous avez noté Jérémie chapitre 23. Ok, je crois que... Notez Ézéchiel chapitre 34. Vous entourez cela. Donc, quand vous allez écrire Ézéchiel chapitre 34, entourez. Et puis, je vais vous donner deux ou trois passages, vous allez entourer. On va commencer à construire. Vous avez entouré Ézéchiel chapitre 34. Entourez le premier que je vous ai donné, Michée chapitre 3, verset 1 à, verset 1 à, 3, à 5. C'est ça, non? Entourez aussi Michée. Entourez Jérémie chapitre 5. Le Jérémie chapitre 5, je vais vous donner les deux versets, verset 30 et, 30 et 31. Voilà. Entourez cela. Voilà. Maintenant, entourez aussi Apocalypse chapitre 3. Voilà. On va continuer avec les versets. Je continue, n'est-ce pas? 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 6. Verset 3 à 11. 2 Pierre. Seconde épître de Pierre. Chapitre 2. 2 Pierre 2, verset 1 à 22. C'est beaucoup, hein? Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Entre, mademoiselle, il y a vérifie si tu as le téléphone, que le téléphone soit fermé. Hébreux, chapitre 13. Versets 5 et 6. On a tellement beaucoup de choses à voir. Mais quand je vous regarde, je vois, si vous me donnez assez de temps pour parler, c'est-à-dire si vous n'êtes pas inquiet avec le temps, c'est qu'on va entrer dans beaucoup d'enseignements aujourd'hui, comme nous sommes dimanche, on en a beaucoup d'enseignements. Mais comme certains d'entre vous, vous allez préparer pour le travail demain et aussi les enfants à la maison, on est obligé de vous laisser aussi plus tôt. Mais pourtant, voici les choses qu'on doit observer. On doit voir ces choses dans les profondeurs pour que vous ne vous laissiez plus berné par quiconque. Soulignez ces 2 Pierre chapitre 2. Voilà. Donc vous avez Ézéchiel chapitre 34 que vous avez encadré. Jérémie chapitre 5 verset 30 à 33. Apocalypse chapitre 3. Et quoi encore? Et Michée chapitre 1 verset 3 à 5. Voilà. On peut commencer maintenant. Vous souvenez du titre, n'est-ce pas? Le titre c'est quoi? Les techniques d'enregistrement des pasteurs. Dans le marketing, dans le système de marketing, il y a ceux qui pratiquent le marketing des réseaux. Il y a ceux qui font le marketing tout court. Ou bien on fait les marchandises. Les gens qui vendent les marchandises ont des techniques. Vous allez arriver dans des carrefours, des gens qui vendent la friperie, les habits, ils soulèvent les habits, ils font des bavardages. D'autres marchent avec des choses en se promenant, ils parlent en donnant les publicités de leurs trucs. D'autres ont trouvé des techniques, d'autres font le siffle pour attirer l'attention à leur commerce. Ainsi en est-il donc du milieu religieux. Le milieu religieux, c'est un milieu dans lequel la loi de la TVA, des taxes sur la valeur ajoutée, n'est pas appliquée. Et par conséquent, beaucoup de personnes s'y lancent parce que quand l'argent entre, l'argent est brut. C'est-à-dire quand tu gagnes 100 millions, tu n'as pas de taxes à payer de 100 millions. Ce qui fait que l'argent reste en état brut. Vous saisissez? Alors que normalement, pour un pays et un État qui se respecte, quand on travaille de l'argent, l'État se doit de prélever une partie sur laquelle pour assurer son fonctionnement. Mais comme l'argent de l'Église, entre guillemets, gardez maintenant l'Église, maintenant entre guillemets, comme l'argent de l'Église est brut, les gens, beaucoup de personnes s'y lancent. C'est devenu maintenant une institution religieuse. C'est pour ça que maintenant, il y a dans certains pays, on parle donc de la loi sur la liberté religieuse. C'est quelque chose sur lequel on va travailler si le Seigneur le permet. La loi sur la liberté religieuse. La liberté religieuse est différente de la vie chrétienne. Parce que les religieux fonctionnent en association. Vous comprenez? Alors que les chrétiens ne doivent pas fonctionner en association. La chrétienté, c'est une relation avec le Seigneur. C'est pour ça que je vous appelle frère, vous m'appelez sœur. Vous voyez, n'est-ce pas? On s'appelle frère et sœur parce qu'on fonde une famille. Et dans une famille, quand on se réunit, on n'a pas besoin de l'autorisation de quiconque. On parle avec Dieu. Vous êtes à la maison. Papa, maman, les enfants, vous mettez à genoux, vous priez. Avez-vous besoin d'autorisation? Non. Maintenant, lorsqu'on sort hors du cadre que Dieu a prescrit, on se retrouve dans le cadre de l'État. Là, il faut les autorisations parce qu'eux, ils doivent régulariser cela. Dans ce cas, les associations religieuses se placent dans un même groupe comme les libertés, les associations, toutes les associations, les ONG, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on doit respecter ces clauses-là. On va voir dans tous les démembrements de ceci. Alors, quelle est la première technique des pasteurs pour prendre de l'argent? C'est pour dire, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà la première. Là, c'est la première phrase. Et on va voir si cette phrase est conforme à la Bible. D'accord? On doit soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais commencer à lâcher les phrases que vous entendez souvent. On ne vient pas chez le serviteur de Dieu les mains vides. On va vérifier tout ça dans la Bible. Donne ce qui te fait mal. Donne les offrandes qui te font mal. Et ça vous fait vraiment mal, vous pleurez. Dieu aime celui qui donne avec joie, même comme tu donnes sans joie. Vous avez entendu ces expressions, non? Que Dieu vous bénisse. Ne pleurez pas quand il veut parler, d'accord? Si ça vous fait pleurer, ce n'est que la chirurgie de votre ignorance. Parce que si vous n'avez pas été ignorant, on ne vous a pas fait ce qu'on vous a fait. Mais on vous a traité ainsi pour que vous deveniez sage. Et ils sont dehors, ils ne donnent pas le lait. Vous devez savoir donc maintenant que ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est prophétiser dans les Écritures. C'est-à-dire, c'est prophétiser qu'ils doivent faire ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? On va donc commencer par le premier passage. Le passage dont vous avez souligné. Non. Vous avez encadré, Michel. Gardez bien le mot quand il prononce les mots. Deux pierres. C'est ça que vous avez souligné. Les autres, j'ai dit entouré, n'est-ce pas? Encadré. Voilà. Deux pierres, ouvrons deux pierres et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole maintenant. Deux pierres, le chapitre 2. Bon, au fur et à mesure, quand les versets viendront, je vais vous en ajouter encore, d'accord? Deux pierres, à aider quelqu'un à trouver deux pierres. Pour ceux qui ont la Bible comme la mienne ici, ça se retrouve dans les pages 1239. Ceux qui ont ma Bible ici, 1239, vous y trouvez. 1239. Si vous avez la version des peuples, commencez à chercher votre passage. La version des peuples. Et si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, essayez de le passer. Je veux que chacun ait son regard là-dessus, pendant que vous soyez en train de lire. 2 Pierre, le chapitre 2. Donc, je vais d'abord mettre une base, une première base. Je veux toute votre attention, s'il vous plaît. La première chose que je vais vous montrer, c'est que c'est normal que ça arrive. Je voulais dire, c'est normal que les pasteurs soient d'ailleurs en train de vous dépouiller. C'est normal. Parce que quand la Bible présente quelque chose, il faut qu'elle arrive. 2 Pierre chapitre 2, vous y êtes? Donc c'est normal. Et on prend tout cela. Et souvenez-vous de ceci, aucun pasteur ne vous trompera au nom de Satan. Jamais. Aucun pasteur ne viendra. Notez Matthieu chapitre 7. Ah, ça continue là. Aucun pasteur ne viendra vous prêcher au nom de Satan. Aucun. Que ce soit le vrai, que ce soit ça, tu es en train d'enregistrer. Là, avec cette distance, tu ne peux pas venir. Donne-moi ton téléphone. Si vous êtes en train d'enregistrer, donne. Voilà. Comme ça, je mets ça ici. Pour que le son soit bon. Voilà. Alors, souvenez-vous de ceci. Aucun pasteur ne viendra vous prêcher Satan. Si vous-même, même si vous souffrez, on vous dit, cette femme-là n'a pas encore trouvé là. Si vous-même, vous souffrez jusqu'à ce que vous allez à l'extérieur, on dit, église de Satan, vous voyez, église de Satan, vous allez dire à celui qui vous porte que sors-moi hors d'ici. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Même le marabout, le jour du 31 décembre, fait tout et tout pour aller dans les églises chrétiennes. Vous comprenez? Ils n'y partent pas chez Satan, bien qu'ils servent Satan. Ça montre que le nom du Seigneur est la vraie marque déposée. Parce que les gens qui font le faux, quand les Chinois viennent faire une autre chaussure en regardant la marque, ils regardent la marque qui passe le marché. Ils regardent où vous appelez Adidas, Nike et autres. Là-bas. Ils font le faux de cela. Parce que c'est le nom le plus prisé. C'est la marque la plus prisée. Et donc là, ils font d'après ce modèle. Vous comprenez cela? Si vous faites votre marque ici au quartier, vous dites Guayavier. Guayavier n'est pas connu sur le plan international. Il n'a pas besoin de venir imiter cela. Il prend Nike parce qu'il sait que Nike est connu. Il prend Puma parce que c'est que Puma est connu. Et donc, il prend ce nom-là pour faire le faux. C'est parce que le nom du Seigneur Jésus, c'est le seul nom qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel tout genou doit fléchir. Et donc, il faut qu'il utilise ce nom. C'est pour ça qu'on appelle ça la séduction. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je vais d'abord établir que dans la Bible, c'est prévu que ça arrive ainsi. Et tous les versets que nous allons lire maintenant vont arriver dans ce sens-là. On y va. 2 Pierre chapitre 2 nous dit ceci, à partir du verset 1. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux prophètes. Non. Regardez le mot qui est écrit. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Quand l'apôtre Pierre décrit ceci, il parle du passé. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Soulignez parmi vous des faux docteurs. Je parle. Parmi vous signifie quoi? Au milieu chrétien. Donc c'est prophétisé qu'en milieu chrétien se trouvent des faux enseignants. C'est ce qui est prophétisé, n'est-ce pas? Amen. Alors comme c'est prophétisé ainsi, il ne peut pas écrire ça comme ça. Et au milieu de nous, on voit que tout le monde est vrai. Donc c'est normal donc que des faux enseignants s'y trouvent. Là maintenant, si on dit des faux docteurs, j'aimerais bien m'atteler donc à expliquer d'abord une chose. Le faux billet de banque ne sera jamais vrai. Le faux billet, vous avez les billets de CFA, 10 000. Vous allez souvent, vous allez dans une banque, on passe un trail. Souvent, ils ont des appareils. Ou quand vous donnez votre banque, ils passent dans un appareil bleu ou bien violet. Quand ils passent, si ce billet-là n'est pas bien, ils déposent, ils mettent ça de côté. Ça veut dire que le billet-là est faux dès le départ. Ça suppose donc que l'entreprise qui fabrique ça, la BA qui distribue ça, ce n'est pas issu de lui. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que ce billet-ci a été manigancé frauduleusement par une quelconque personne, pas par la BA. Ce n'est pas la BA qui a incrémenté cet argent-là. Vous êtes avec moi. Donc, dès le départ, cet argent, c'est faux, mais ça se trouve en milieu des autres, l'argent qui est vrai. Mais le problème et le comble, c'est que ce qui est faux semble être vrai. C'est-à-dire, quand vous regardez comme ça, à l'œil nu, vous regardez avec vos yeux, naked, comment dire en anglais, naked eye, vous regardez, on vous donne le vrai billet, le faux billet, vous ne pouvez pas savoir. Surtout, grave encore quand c'est neuf. Vous ne pouvez pas savoir quel est le vrai, quel est le faux. C'est donc pour cela que le pouvoir public ont conçu des appareils pour détecter le vrai. Et si on conçoit les appareils pour détecter le vrai, c'est en conformité avec détecter le faux, c'est en conformité avec le vrai. Ça veut dire que cet appareil reconnaît ce qui est vrai. Et donc, si vous passez un autre biais qui n'est pas vrai, ça montrera ses limites. Regardez, soulevez votre Bible, voilà. Voilà donc l'appareil pour détecter le vrai du faux. C'est cet appareil-ci, pour la Bible. En ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne les enseignants bibliques, voilà l'appareil pour détecter le vrai. Vous n'avez pas de faisant. Parce que si vous regardez à vos yeux, vous serez exactement comme les billets des 10 000 quand vous en avez regardé. Quand vous regardez, vous soulevez vos soleils comme ça là, comme si vous pouvez voir quelque chose. Et la personne devant vous, il sait que vous ne pouvez pas détecter. Mais lorsque vous passez ça dans le... En tout cas, allez dans la banque. Quand vous donnez l'argent à quelqu'un, quand il fait comme ça, si c'est faux ou si c'est faux, c'est pas votre physique qui est le problème. Il dit, monsieur, ce billet-ci n'est pas vrai, il ne prend pas. Même si vous êtes qui, il ne faut pas prendre. Parce que c'est un faux billet. Mais le point sur lequel je veux qu'on comprenne bien, c'est que le vrai biais est toujours vrai dès le départ. Et le vrai biais ne sera jamais faux. Vous comprenez? Le faux biais a été toujours faux dès le départ, dès sa conception. Le faux biais est faux. Je veux qu'on soit bien d'accord là-dessus, avant d'avancer, pour que vous compreniez cela. Alors, dès sa conception, comme c'est faux, ça va essayer de faire son chemin. Vous pourrez utiliser chez quelqu'un qui vend le pétrole, qui n'a pas la technique pour pouvoir détecter. Il prend. Après lui aussi, il va à la station aussi, il prend. Vous voyez, ça fait son chemin. Ça commence à vous donner les choses. Mais le jour où vous allez buter devant cet appareil-là, ça sera la fin de votre billet de 10 000. Vous comprenez? À cet instant-là, si vous ne faites pas attention, même vous, vous allez partir là où il va partir. On va dire que c'est vous qui faites le faux ici dehors. Tu vas dire que non, on m'a aussi seulement. Donc, tu fais tout pour t'en débarrasser à cet instant-là. Vous comprenez? Pointez quelqu'un, dit arrête de faire le faux. Arrête de faire le faux. Arrête de collaborer avec le faux. Arrête de collaborer avec le faux. Voilà. C'est pour ça que ces gens-là qui fabriquent les billets comptent généralement les gens qui travaillent dans les entreprises d'argent. Ils leur donnent une portion. Au fur et à mesure, quand on paye vos salaires, on infiltre des billets dedans. On filtre des billets dedans. Vous prenez, vous allez au quartier. Lorsqu'on dit il y a la perte, parce que quand ils donnent comme ça, ils tirent un billet en retour qui est le vrai. Ils gardent. Parce qu'ils savent que le faux est faux. C'est pas bon. Vous comprenez? Mais regardez la similitude. Jésus, je m'arrête ici pour bien parler. Regardez la similitude. Quand vous prenez le vrai billet, vous mettez le faux billet, vous mettez ici. Sur le regard frappant, vous ne pouvez pas voir la différence. Parce que c'est tellement proche du vrai que souvent même on peut confondre que le vrai est faux. N'est-ce pas, frère? C'est ainsi donc au milieu chrétien. Vous ne devrez pas à jamais regarder un pasteur avec son charisme. Si c'est pour l'éloquence, le faux parle très bien. Si c'est pour l'assiduité, le langage mélancolique, ils sont très fins parce que leur père est vraiment fin. Il peut aller dans la Bible, vous balayez dans la Bible pour que vous voyez de quoi il est question. Depuis la Genèse, c'est comme ça. Et si le faux vient, il présente sa fausse figure, personne n'ira là-bas. Mais il dit que personne n'ira là-bas. Si dès le départ, on te dit voici le faux but, toi tu vas prendre. Non, tu as dit jamais, il ne veut pas de ces choses. Alors maintenant, c'est pour cela que je m'insurge ici contre tous ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Vous devez lire la Bible pour pouvoir donner l'outil au Saint-Esprit de pouvoir dire « Celui qui est devant moi est fausse. » Vous comprenez? C'est comme ça que vous devez faire. Donc la Bible dit ici qu'il y a une famille de peuples de faux prophètes. Il y aura, donc c'est une prophétie. Il y aura parmi vous, il ne doit pas se retrouver hors. Il y aura parmi vous, c'est au milieu, notez Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Notez, je continue. Actes des apôtres chapitre 20. On va venir tout au long de ces actes-là. Souvenez-vous, il y a là un autre enseignement, la façon de gérer ses finances. Parce qu'au-delà de cela, il faut que vous compreniez ce qu'il en est avec votre bien matériel. C'est que Dieu attend de tout cela. C'est dans la Bible. Donc, il y aura parmi vous des faux docteurs. Les docteurs, ce sont ceux qui enseignent. Donc, ils sont censés soigner l'enseignement pour sauver les gens, pour conduire les gens dans la sainteté, conduire les gens dans la droiture, dans le droit chemin. Vous voyez cela? Pour, la Bible déclare de faux docteurs qui vont faire quoi? Qui introduiront. Ah, c'est quand même terrible ce que l'Église est en train de vivre. Donc, c'est une maladie, franchement, pour cette époque, c'est pour ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes déjà séduit. Si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes séduit. Vous devez être gardé dans la parole. Et regardez, quand le Seigneur Jésus vient être tenté, il dit, il est écrit. L'apôtre Paul dit, chaque fois, remarquez les écrits de l'apôtre Paul. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de la loi. Il est écrit ainsi. Dans le livre de Matthieu, on dit qu'il vient se demeurer en Égypte selon ce qui a été dit par le prophète, j'appelais mon fils hors de l'Égypte. On se réfère toujours aux Écritures. Jésus dit, n'est-ce pas écrit dans la loi que ceci? Vous comprenez ça, frère? Donc l'Écriture est faite pour nous garder. Vous gardez l'Écriture sous vos oreillers. Si vous gardez l'Écriture sous vos oreillers, les pasteurs plongeront dans votre porte-monnaie. Vous comprenez? Vous prenez votre Écriture, vous gardez sous l'oreiller. Donc, vous voulez dormir, c'est ça que ça vous protège. Les pasteurs, pendant que vous dormez sur l'oreille, ils plongent dans votre porte-monnaie, dans votre compte en banque. Vous devez vous réveiller. D'accord? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, écoutez très attentivement. Plusieurs les suivront. Soulignez. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous y êtes? Donc, on a prophétisé plusieurs choses. Un, les faux docteurs doivent être au milieu des chrétiens. Ça, c'est dans le futur. Ils écrivent ça dans le futur. Donc, en fait, ce qui est devant là, c'est nous. Nous sommes en plein là-dedans. Ils vont introduire des sectes pernicieuses. D'accord? Maintenant, on dit que ces sectes pernicieuses ont pour but de régner le maître qui les a rachetés. Ça se pose donc en obéissant, là, vous ne marchez pas d'après le commandement du Seigneur. Parce que le commandement que le Seigneur a donné à ses docteurs à lui, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc les gens qui viennent enseigner au nom du Seigneur doivent enseigner à vivre conformément à la vie que le Seigneur a prescrit. Mais s'ils enseignent quelque chose qui ne t'a conduit pas vers là où Jésus a... Enfin, s'ils enseignent quelque chose que le Seigneur n'a pas prescrit, vous êtes en train de suivre un autre Jésus. Vous voyez là où on en est? Il dit, plusieurs les suivront. Alors je pose la question, et je veux que tu poses la question à ton prochain. Es-tu parmi ces plusieurs? Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'on a prophétisé que plusieurs les suivront. C'est-à-dire, si tu es en train de suivre l'enseignement d'un faux docteur, sache que c'est en enfer que tu as été dirigé. Parce que tu ne suis pas ce que Christ dit. Il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et puis on dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause des scandales qu'on entend les pasteurs faire. Quand subitement, vous entendez que tel pasteur a fait comme ça, tel pasteur a fait. Je dis, ce n'est pas le pasteur de la Bible. Vous dites, sur quelle base tu dis comme ça? Parce que la Bible nous a dit que celui qui nous a appelés, qui appelle le pasteur, celui qui les établit, il les envoie afin qu'il aille et qu'il porte des fruits. On n'a pas dit qu'il porte de la sorcellerie. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il a dit que c'est le pasteur à lui qu'il a choisi. Notez Éphésiens chapitre 4. Et 2 Timothée chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4. Il a dit dans les Saintes Écritures que c'est le pasteur à lui qu'il a choisi, il les a établis. Il les a envoyés afin qu'ils aillent et qu'ils portent des fruits. Et que les fruits demeurent, c'est ce qu'il a dit. Et sa volonté ne peut pas être obstruée. Donc, je vous dis que vous notez Éphésiens chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4. On va y revenir. Donc, en somme, la Bible prophétise que c'est plusieurs qui vont les suivre. Quand vous lisez la Bible, c'est là où la méditation vient. Quand vous lisez votre Bible, ne lisez pas pour courir. Vous restez ici, on dit, il y a un faux docteur. Vous posez d'abord la question, Saint-Esprit, est-ce que dans ma vie chrétienne, est-ce que je suis avec un faux docteur, oui ou non? La réponse doit être bougée, doit être répondue avant que vous n'avancez. Sinon, vous allez tourner en rond. Puis il dit, plusieurs les suivront. Notez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 6, 11 et 24. Verset 6, 11 et 24. Matthieu chapitre 24, les versets 6, 11, puis 24. Vous avez noté? Donc, quand vous êtes en face de ces styles de versets que vous avez dans 2 Pierre chapitre 2, vous posez la question 1. Est-ce que je suis avec le faux docteur? Si c'est oui, la Bible est claire, la réponse est là. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Il n'y a pas d'échappatoire. N'essayez pas de dire que je vais rester, je vais aller dire au pasteur pour qu'il corrige ses effets. Vous ne pouvez pas corriger le faux biais, on brûle seulement. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de faux biais pour vous comprendre lorsqu'on va avancer. Les faux biais, enfin, vous avez vu, il y a deux styles de papayés. Vous avez vu deux styles de papayés. Il y a le papayé qui pousse. Quand vous voyez ça jeune, vous voyez, ça a les mêmes conformités comme le papayé. Enfin, vous appelez ça papayé. Mais à la production, vous voyez, les semences, les fleurs, ça ne sert même pas bien pour orner même la maison. C'est déjà papayé, ça a droit de citer. Non. Mais quand ils sont deux sur place, ils sont en train de pousser, tu as comme l'impression que c'est le papayé. Et puis tu viens de ces quatre matins, l'autre sort de produire des produits, c'est le papayé. L'autre, si tu dis, mais celui-ci, il sort d'eau. Mais vous êtes dans la même église des papayés. Vous savez, l'église, le rassemblement des papayés à l'intérieur, le pépin se trouve à l'intérieur. Quand vous les sortez, on s'est tous dit Amen. On m'a été dit, oh, Alléluia. Qui pousse? C'est l'autre, l'un est faux, l'autre est vrai. Vous y êtes? Et ce papayé-là, même si vous arrosez n'importe comment, vous parlez en langue tout en faisant sept tours comme à Jéricho. Ça ne produira pas la papaye. Ça ne produit pas la papaye parce qu'il y a une intempérie ou bien une modification climatique. C'est pas ça. C'est que la semence est fausse. Quand la semence est fausse là, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que le Seigneur a donné comme solution dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 18. Et dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, mon peuple, sortez du milieu de et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Vous y êtes? C'est la solution. C'est l'unique solution que prévoit le Seigneur quand vous êtes dans cette situation. C'est l'unique solution que prévoit le Seigneur dans cette situation. Vous y êtes? En effet, pourquoi est-ce que le Seigneur donne comme solution de sortir? Parce que, un, ces personnes ne viennent pas de lui. Et s'ils ne viennent pas de lui, ils viennent de son ennemi, Lucifer, le diable. Et s'ils viennent de Lucifer, ils ont un but unique de vous amener à la perdition. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible déclare à partir du verset 13 que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et il dit, et ce n'est pas étonnant, parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étonnant que ses serviteurs se déguisent en ministres de justice. Donc, pendant qu'on prêche la justice de l'évangile, il vient aussi, il prêche certains aspects. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ça me fait mal parce que j'aurais souhaité expliquer mieux et expliquer ça en détail. Je veux que vous compreniez encore une fois de plus que si quelqu'un se tient devant vous parlant de Jésus, vous devez plus faire attention à lui plus qu'à un bandit. Parce que le bandit, vous savez très bien que je garde mon porte-monnaie, c'est terminé. Celui-ci, il va te dire, je suis bon. Il dit, oh, amen, mon frère, tu l'appelles mon frère. Et le Seigneur est bon. Après, il dit, ah, ta maison, c'est à côté combien? 100 millions. Ah, il rentre. Tu travailles quoi? Je suis DG à tel endroit. Mais après, pas se renseigner. Le DG, son salaire peut être combien? 4 millions. 4 millions. Si on me donne la dîme. Waouh! Vous savez ce qu'il fait? Première chose, il te nomme à un poste de responsabilité. Applaudissez pour les pasteurs là. Applaudissez pour eux. Applaudissez pour eux. Vous ne voulez pas applaudir pour eux. Vous n'êtes pas d'amis. Vous n'êtes pas bouffé l'argent. Première chose, il vous nomme à des postes de responsabilité pour être sûr qu'il vous maintient là. Les réunions des dirigeants et des grands leaders, ça sera de vous implémenter l'esprit de partage. C'est-à-dire que vous devez s'aimer dans la vision. Comme ça, ça doit illuminer que les gens aussi, pour qu'ils fassent comme ça là, ils vous imitent. En fait, vous travaillez à son compte. Nonobstant du fait que dans l'évangile, il y a des règles pour entrer dans chaque groupe chrétien. Dans aucune des règles de la Bible, le poste de responsabilité que tu occupes sur le plan séculier n'est fait mention. Dans Tite chapitre 1, le verset 5 et suivant, la Bible déclare, je t'ai resté en Crète afin que tu mettes en ordre tout ce qui reste de faire. Si tu trouves quelques hommes, regardez-le bien, quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, qui ne soient ni accusés, que les enfants ne soient accusés, il y a 19 conditions de la Bible pour être évêque, c'est-à-dire pour être ancien de l'Église. Mais aujourd'hui, la condition de ces pasteurs, c'est que tu travailles un bon poste. Alors là, quand tu es là, tu ne peux pas bouger. Ceux-ci, s'ils ont des problèmes, ils vont leur rendre visite. Mais un membre de l'église qui est pauvre, on ne peut pas leur rendre visite. Le pasteur ne connaît même pas où il habite. Enfin, je suis en train de vous donner tout simplement de la clairière pour que vous puissiez voir ces gens-là. C'est-à-dire, la Bible dit d'eux qu'ils aiment les gens par motif d'intérêt. Si tu es dans ce poste de responsabilité, et à l'église, tu dois ce poste de responsabilité, attends un jour, viens seulement, essaie de faire une secrétaire quelque part. On fait un truc comme un autre compte à dégommer de ton poste de service. Tu viens vers lui, tu dis, oh pasteur, je suis fâché, je suis fini, je sais quoi dire, voici la note. Il lit. Prochain dimanche, tu quittes ce poste-là. Il vous le dit. Parce que tu ne lui sers plus à rien. Vous allez voir le vrai visage. Il vous aime, c'est pas vous qui l'aime. C'est votre porte-monnaie. Quand même vous quittez, vous rentrez à la maison, vous êtes fâché. Quand il vient vous visiter, c'est pas vous qui vient visiter. Il m'a dit, ramène ton porte-monnaie ici. C'est ce qu'il a dit de vouloir dire en réalité. Ils aiment les gens par motif de conscience. Alors donc, il dit bien, quand tu vas lui dire tu touches 4 millions ou bien 40 millions, la première chose, quand il va taper, c'est 10. Il dit, et ta femme touche combien? Tu tapes. Il regarde comme ça, il regarde les membres de l'église, il regarde tous ceux qui sont prisonniers, il veut avoir une réunion avec vous. Quand il a fait sa comptabilité, personne ne doit lui échapper. Il va donc utiliser ce que la Bible va dire ici maintenant dans le deuxième verset. Écoutez bien. Par cupidité, on a dit, on a en deux pieds, regardez. Par cupidité. Souligné. Vous avez souligné? Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit, celui qui a écrit la Bible, dit que la première onction, la première caractéristique des faux docteurs, c'est la cupidité. C'est la première. Quel que soit le faux pasteur, le faux docteur qui doit avoir la première, ce sera la cupidité. Donc tout va tourner autour de l'argent. Même s'il prêche n'importe quoi, même si c'est bon aujourd'hui. Quand il va tourner, il va venir autour de l'argent. Quelle que soit la prédication, il ne peut pas faire autrement, c'est l'ancien qui est sur lui. Par cupidité. Maintenant, je veux que vous mesurez bien la phrase, c'est pour ça que j'y insiste. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, se trouve le désir de s'enrichir. Et donc là, ils vont trouver les mots que vous voulez dire afin que vous participez à cette travail de cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc c'est vous qui allez l'enrichir. Ils vous trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. On doit construire, Dieu m'a donné une vision qu'on doit construire un grand temple pour Dieu. Et c'est que vous participez ici, vous participez, vous construisez. Dieu dit, ils vont aller prendre Agée chapitre 2. Que jusqu'à quand vous allez laisser le temple de Dieu, vous allez bâtir votre propre maison. Bâtissez d'abord le temple ici et puis vous allez bâtir votre maison. Tu restes comme ça, tu rentres, tu dis c'est à moi qu'on s'adresse, c'est pas à toi, c'est la sorcellerie. Il vous a envoûté. Si vous participez à une construction de temple, sachez que vous avez enterré votre argent dans le cimetière. Il dit, mais si vous participez avec 5 francs, on va sortir là-dedans, vous allez voir cela dans la Bible. Vous avez mis 5 francs quelque part pour participer à une construction de temple. Vous devez vous repentir. Vous devez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous repentir. Parce que vous avez quitté exactement ce que Jésus a dit pour faire autre chose. On va voir ça tout à l'heure. S'il ne voit pas cet aspect, c'est, rappelez-moi que jusqu'à ce qu'on l'envoie. Alors, maintenant, quand vous faites cela, vous faites avec votre cœur, croyant que vous faites pour Dieu. Mais comme vous ne faites pas à la manière de Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Et il ne prendra jamais compte cette œuvre aussi. Parce qu'Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit que nous sommes créés en Jésus-Christ, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées que nous accomplissions. Vous n'accomplissez pas les œuvres qu'il a demandé que vous accomplissiez, vous faites pour vous. Vous allez faire, on va vous acclamer au milieu de l'assemblée. Vous me donnez encore le poste de responsabilité, que tu es le président de tous les diacres. En réalité, ce n'est pas le président de tous les diacres, de tous les diables. C'est ça donc qu'on veut dire. Donc il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de toiles trompeuses. Voici l'autre technique. L'autre technique de ces faux pasteurs, c'est de s'inviter les uns les autres. Ça veut dire que, avant que quelqu'un va quitter d'un point à un autre pour venir dans son assemblée, ils vont faire le tapage publicitaire. Il y a une grande femme de Dieu qui vient, un grand homme de Dieu qui vient. Ils vont faire le tapage. Ils vont même présenter même les livres que celle-là a écrit. Présenter même des choses pour vous préparer. Ça, c'est le mental psychologique. Ceux qui font la psychologie savent de quoi il est question. Ils vous préparent mentalement à admettre ces choses-là. Et là, vous contribuez. Il faut la recevoir d'une façon digne des saints du Seigneur. Vous prenez ce que Dieu vous a donné. Pour nourrir votre famille, vous allez donner aux ouvriers d'iniquité. Vous devez arrêter cela. Alors quand ils vont venir maintenant, ils vont commencer à dire, voici mon livre. Le livre que j'ai écrit, ça a béni beaucoup de familles. Ils font le marchandage. Vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 22. Jésus, quand il est entré à Jérusalem, la première chose qu'il a fait, c'est d'entrer dans le temple, chasser les gens qui faisaient le commerce dans le temple. La même chose est venue. Notez Matthieu chapitre 22. Le même esprit. Au temple de Dieu où on invoquait Dieu, là-bas se trouvaient les échangeurs de pigeons, les échangeurs d'argent. Vous dites, qu'est-ce qui arrive ici? Jésus, entre les premières choses, a fait la chicotte. Il a bousculé. Il n'est pas venu prêcher là-bas. Il a bousculé. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Vous allez faire quoi avec la prière et avec maman au même lieu? Comment? moment où vous vous trouvez dans un endroit où on parle de la parole de Dieu et maman s'y trouve, vous ne trouverez nulle part ça dans les traces de la Bible. On dit que c'est le moment des offrandes. On arrive avec les offrandes. Vous avez mis votre 5 francs dans le bac de l'offrande, que c'est pour l'église. Vous avez semé dans la semence de la sorcellerie. Il arrive. Que non, il donne ça à Dieu. Donne une semence, donne quelque chose. Même si tu n'as rien, si tu donnes, tu crois qu'en sortant, Dieu va t'envoyer l'argent. Tu marches à pied, tes pieds t'échauffent comme ça. J'avance. La Bible déclare par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, quel que soit ce qu'il va venir vous dire, en disant que Dieu a dit qu'on lui bâtit un temple, qu'on lui construit un temple jusqu'à ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui honore Dieu. Je vous pose tout simplement, notez Acte chapitre 17. Notez Acte chapitre 17. Dès qu'on va finir ici, on va aller directement dans Acte chapitre 17, d'accord? Préparez-vous donc, dès qu'on va finir ici, Acte des Apôtres chapitre 17. Je vous pose une question simple. Qu'est-ce que vous pouvez construire ou nous pouvons construire sur la terre qui va plaire à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut construire un endroit où Dieu vient habiter ici, sur cette terre-ci? Qui? Le psaume 24 dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. Tu vas prendre le ciment, fait par les francs-maçons. Tu prends les gens qui fument la cigarette, pour qu'ils viennent construire la maison, pour qu'ils viennent habiter. Pointe quelqu'un du doigt. Quand tu participes à cette œuvre-là, tu es un sataniste ambulant. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5 que ne prenez point part aux œuvres infructées de ténèbres, mais condamnez-les. Dans Éphésiens chapitre 5, c'est ce qui est écrit. Les œuvres de ténèbres, ils ne vont pas venir vers vous pour dire que vous faites quelque chose. C'est quelque chose pour leur gloire. C'est leur temps. C'est pour cela que vous pouvez construire ça avec votre argent. Après, ils appellent ça leur église. Ils disent que si tu ne vas pas, sors de mon église. Voilà leur expression. Sors de mon église. Pourtant, il vous a trafiqué avec le truc que vous avez fait. Désormais, maintenant, quand vous finissez de voir, quand vous construisez ce temple-là, il devient même inaccessible. Il se place des protocoles pour que pour la voir, il devient tellement rare que vous pouvez faire même 2 ans dans votre assemblée, vous ne rencontrez pas le pasteur. Parce qu'il se rend, il veut, en fait, voici le problème. Il se compare toujours au chef d'État, au ministre de la République. C'est comme ça. Il veut toujours faire comme eux. Il faut que quand ils ouvrent leur voiture, on a un. Quand tout le monde, il lit sa porte spéciale où il passe. Sa chaise doit être là comme le président. Quand le président va quelque part, quand tout le monde est assis, c'est là où il entre. Il se compare à eux parce que c'est le même esprit qui est sur eux. Ils servent le Dieu de ce monde. C'est pour cela qu'ils ont le modèle de représentation des chefs de ce monde. Matthieu chapitre 20. Notez seulement. Il vous a dit qu'au fur et à mesure qu'il veut parler, ça va sortir. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous. De vous utiliser des langages. Vous malaxez pour que vous leur donnez de l'argent pour que pour remplir leur cupidité. Vous comprenez cela? Alors, le mobile principal de tout faux docteur et tous ceux qui sont chez Satan, mais qui se retrouvent en milieu chrétien, c'est la cupidité. C'est ce que Jésus a dit. La cupidité. Alors, ils vont construire des temples. Construit des représentations. Et quand ils vont commencer à vouloir s'expandre, ils ne nomment pas n'importe qui à des postes. À la trésorerie, ils ne mettent pas n'importe qui. Ils ne mettent pas n'importe qui. C'est pour ça que quand ils ne sont pas encore, quand il n'est pas là, c'est sa femme qui doit prêcher. La Bible dit qu'il est interdit à la femme de prêcher. Eux, ils disent que non, c'était un contexte bien déterminé. Cette Bible-là a changé entre temps. Dieu est fou. Leur femme va prêcher. Et par conséquent, remarquez très attentivement. Vous allez voir les affiches dehors. Il y a toujours sa femme de ce côté-ci. Il est prophète, sa femme est prophétesse. C'est la sorcellerie. Vous ne verrez peut-être nulle part de ces choses dans la Bible. Vous allez lire votre Bible de fond en comble. Vous allez remarquer que l'apôtre Pierre était marié. Même sa femme, on n'a même pas mentionné. On a seulement donné le renseignement qu'il était marié. L'apôtre dit que les autres apôtres du Seigneur étaient mariés. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est apôtre, sa femme est apôtresse ou doctoresse. Grave encore, ils ont mis révérend devant leur nom, qui est le titre révérend au Seigneur Jésus. C'est encore terrible. Quand tu vas le voir, mon révérend, tu t'inclines. Et tu es en train de l'adorer sans t'en rendre compte. Mais tu sais Jésus, mais tu adores un homme. Pointe quelqu'un dans le doigt. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Tellement on craint le pasteur au point où on se rend pas compte qu'en réalité, la révérence qu'on doit au Seigneur Jésus, c'est à eux qu'on donne. Vous avez tellement peur parce qu'on ne peut pas lui adresser la parole. On ne peut pas lui dire de reproche. On a peur. Parce qu'il vous a sermonné, vous pointez le doigt. On ne touche pas à mes oies. Ne touchez pas à mes oies. C'est pas comme ça. Ce n'est pas oint du Seigneur, vous devez décrier ses mauvaises œuvres. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai dit qu'après ce verset, on va où? Acte 17. Voilà, vous êtes dans le même suivre vraiment. Acte chapitre 17. Souvenez-vous, 1 Pierre chapitre 2 n'est pas fini. Je me suis arrêté seulement là où il y a la cupidité. Il y a des points là-bas devant grave seulement. Au verset 14, 15 et 16 jusqu'à 19, encore, on revient encore sur cette cupidité. On dit qu'ils amoncent les âmes mal affermies. On dit qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc, ils ont fait le camp d'entraînement pour être cupides. C'est-à-dire, la Bible déclare que dans l'école de théologie, on les explique et on les entraîne comment s'enrichir. C'est pour cela que lorsque quand ils partent, ils fondent leur église, première chose, ils commencent à regarder les gens qui vont s'aimer. Maintenant, écoutez très attentivement. Si vous avez déjà été dans un lieu où les gens disent, écoutez très attentivement, je veux 1000 personnes qui vont donner 500 000 francs CFA. Que vous avez participé, vous devez vous repentir. On va voir tout ça dans les extrêmes de l'écriture. On ne ira pas loin. C'est la Bible qui va devant nous dire. Si on dit, s'aimer qui va s'aimer pour 100 000 francs, vous voyez, les gens sortent. Ils se lèvent, on donne l'enveloppe, on les met de côté. On dit qu'on va prier pour vous. Remarquez très attentivement ceci. Quand vous faites ça, on dit qu'on va prier pour vous. Il y a des gens qui font venir, comme je dis, ils s'invitent les uns les autres. Quand ils s'invitent, on dit que telle personne est logée à tel endroit. Ceux qui veulent la rencontrer, mais ceux qui veulent la rencontrer voient telle personne. Ce n'est pas au hasard. Vous avez l'offrande à lui donner. Et puis vous avez l'enveloppe pour s'enregistrer. Ça, je ne sais pas si vous lisez, la Bible. Vous voyez des choses dans la Bible. Vous voyez ça, frère et soeur. Non. Pointe encore le doigt à quelqu'un. Tu ne dois plus participer avec les sorciers. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Voilà. C'est donc pour cela que lorsqu'il vient, les conditions, c'est qu'on les loge dans les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles. Mais vous regardez très attentivement les apôtres, l'apôtre Paul, que s'il vient ici, tout le monde lui doit révérence. Quand il arrive, il dort chez Gaius, il dort chez Timothée, il dort avec tout le monde parce que ce sont des frères. Il ne se sent pas important, il n'est pas différent des autres. C'est le ministère qui est à l'intérieur, le service qu'il doit rendre, qui est important pour lui. Amen. Vous comprenez? Maintenant, le ministre arrive dans un pays, pas dans un... Et ces gens-là, ces faux docteurs le disent. Que les ministres de la République dorment dans les grandes hôtels, pourquoi pas lui? Il se compare à qui? Le ministre mondial. Il leur faut la délivrance. En fait, même si le délivre, ils ne changeront pas de nature. Parce que le faux biais, même s'il repasse, c'est toujours le faux biais. Acte des Apôtres, chapitre 17. Acte des Apôtres, chapitre 17. Ne fermez pas le simple livre des deux pieds parce qu'on va y revenir. Actes des Apôtres, le chapitre 17. Dès que vous ouvrez, on commence. Actes des Apôtres, rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 17. Venez à partir du verset 18. Acte des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 18. Quelques philosophes épicuriens, vous y êtes, vous avez trouvé l'endroit, n'est-ce pas? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menaient à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Vous avez vu cela? La parole est toujours étrange, vraiment. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, soulignez le mot. Ce que vous révérez, mon révérend, mon révérend. Donc la révérence est liée directement à l'adoration, à la vénération. Vous allez voir ce même mot arriver dans le chapitre 19, lorsqu'on va parler de la déesse Diane. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc la personne que vous croyez servir sans connaître, c'est lui qui chante un nom d'annoncer. Mais il est toujours le mot révéré. Parce que ceux-ci ont la soif dans leur cœur d'adorer quelqu'un. D'adorer quelqu'un. Et là, dans leur ville, ils avaient des monuments, tellement de divinités là-bas en Grèce. Et l'apôtre Paul dit, vous révérez cela. Aujourd'hui, ce n'est pas un objet qu'on adore. Les chrétiens adorent les pasteurs. Mon révérend docteur Intel. Il y a des pasteurs qui te donnent la carte de visite, déjà que c'est un problème. Dans la carte de visite, il met révérend docteur apôtre prophète, puisque son nom c'est PR. Donc son nom, il abrège plutôt son nom, parce qu'il est tellement en crainte, accroché à son titre, au point il faut qu'il mette révérend totalement, prophète totalement, docteur totalement, même ingénieur même qu'il a eu à l'école. Au Nigeria, c'est grave. On avance ici. Il dit, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révélez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu, écoutez très attentivement maintenant, à partir du verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Souligné. Alors, ceci veut dire clairement que si un homme vient vers vous, il dit que Dieu lui a demandé de construire un temple, c'est un menteur. Parce que l'Écriture a dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et par conséquent, s'il est menteur, le père du mensonge l'a inspiré. Et si tu y participes, tu participes aux œuvres infructueuses de ténèbres. Il dit, c'est dans la Bible qu'on va voir tout cela. La Bible déclare, il dit le Dieu, verset 24 encore du chapitre 17 des Actes des Apôtres, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui trouve, tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples, dans des temples, dans des temples. Donc que ce soit n'importe quel temple, il n'habite pas dedans. Maintenant, quand il finit de construire cela, il dit que, oh, Jésus, voici ta maison et autres. Mais s'il a la maison de Jésus, comme il dit, pourquoi quand tu fais que je dis que sors de mon église? Donc il utilise seulement le nom de Jésus-Christ comme face voilée pour pouvoir vous traiter. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 16, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, les portes de Hadès, ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus. Vous ne verrez nulle part aucun pasteur dans la Bible, aucun prédicateur de la Bible qui a appelé l'église du Seigneur son église à lui. À l'instant où quelqu'un dit mon église, vous devrez le fuir en prenant plutôt la vitesse. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ des dieux. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé la fondation comme un Serge architecte et un autre bâti de ceux. Que chacun prenne garde la façon dont il bâtit de ceux, parce qu'aucun autre fondement ne peut plus être posé. C'est définitif. Et vous avez été édifiés suivant le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, ça veut dire le modèle biblique de l'Église a été déjà posé une fois pour toutes. On ne peut plus y renverser. Alors, la question que je pose donc maintenant à vous, vous avez participé à quelle œuvre? Vous s'aimiez pour qui? Vous avez espéré avoir des guérisons, des visitations, des bénédictions. Mais vous dormez sur le manque de paix qui se trouve. Dieu attire votre attention même en songe. Vous chassez le songe au nom de Jésus. Mais ce que vous deviez faire, visiter les veuves, les orphelins, dans leur affliction, ceux qui ne fréquentent pas, les pays, l'école, les pauvres, les étrangers, c'est voilà ce que vous devez faire en attendant que vous aimez. C'est là, voilà la banque de Dieu. La banque pour multiplier. Mais vous avez pris, allez mettre dans le ciment. On a cimenté, c'est devenu Dieu. Vous cimentez vos bénédictions. On avance ici. Et le Dieu qui a fait, verset 24 encore, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous direz, c'est donc pour cela que dans 2 Pierre qu'on a lu tout à l'heure, au verset 14, la Bible appelle ces gens-là, ce sont des enfants de malédiction. C'est le Nouveau Testament qui les appelle comme ça. Les enfants de malédiction. Parce qu'ils profitent de votre ignorance. Ils profitent de votre manque de connaissances pour se jouer de vous. C'est ahurissant de voir, je crois que c'était au Cameroun, j'étais en train de prêcher. J'étais à la maison, j'étais en train de brûler, déchirer les documents des témoins de Jéhovah. Parce qu'il y avait un prédicateur des témoins de Jéhovah qui s'était converti. Je lui ai demandé, amène-moi tous tes documents. J'étais en train de les sélectionner, je prends la sélection. Je sélectionne les documents que je vais utiliser contre eux. Je garde de côté les autres, je déchire pour couper. Il y a un docteur, un enseignant. Docteur, vous savez, que vous ayez la stylistique, connaissez la lexicologie, la grammaticale, ça ne fait rien à un esprit. Le dernier esprit vous bat au aller-retour. Il est passé comme ça. En entrant, quand il entre à la maison, il m'a vu en train de déchirer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Il dit, je suis en train de déchirer tous les témoins de Jéhovah. C'est un pasteur, c'est un prédicateur, témoin de Jéhovah qui est venu nous poser. Il dit, ah bon, les témoins de Jéhovah ne sont pas dans la vérité. Et je dis, non, il y a tout sauf la vérité là-bas. Il était étonné. Il dit, merde, j'ai commencé par parler de cela. Il dit que même les catholiques, comme tu vois, ils sont en blanc là. À l'intérieur, c'est noir plus que la sorcellerie. Il m'a boxé comme ça là. Il est bien boxé. Il ne boxait pas parce qu'il était fâché. Parce que quelque chose venait de lui arriver. Boum. Vous savez, comme un rideau qu'on ouvre comme ça. Parce que quand ils lui ont expliqué 2, 3, 4 choses, ça a enlevé le voile. Il m'a donné un coup de pompe, ça, pompe, j'ai supporté au nom de Jésus. Il m'a donné ce pompe, aïe, ne me dis pas ça. Tu veux me dire qu'ils m'ont trompé? Il prend le téléphone, il gâte, parce que dans mes amis, il pouvait pleurer. Il dit, dans mes amis, ils m'ont trompé pendant toutes les années. Il dit, oui, on t'a vraiment trompé. Là-bas, ils ne savaient pas du doctorat. Parce que c'est eux qui enseignent. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi la majorité des prêtres catholiques sont des docteurs, ils enseignent dans les universités, des écoles. Si c'est pour les bons les établissements, ils ont les meilleurs. Parce qu'ils ont le Dieu de ce monde, ce qui rend les gens fins, selon ce siècle-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On l'a trompé. Il a même encore dans sa voiture une enveloppe d'une contribution qu'il devait lui donner parce qu'il devait construire encore le temps. Il dit que tu fais ça, c'est la sorcellerie. Je lui ai expliqué comme ça. Il avait peur de l'Église catholique. Mais il est docteur. Regardez tous les chevronnés de l'État, les grands têtes de l'État, les professeurs d'université, agrégés, ils partent s'asseoir là, on fait l'ensemble, on verse la saleté sur eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est la sorcellerie. Tu veux parler là? Ils ne savent pas que c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de leur faire comme ça. En plein jour, on fait la messe. C'est vrai que beaucoup d'entre eux utilisent ces moyens-là pour faire le voyage astral. Pendant qu'ils sont assis là, ils sortent de leur corps, ils partent. Mais ils veulent que vous regardez qu'avec l'intelligence, on ne peut pas combattre Satan. Sinon, je ne comprends pas comment quelque chose peut être écrit comme ça là. On trompe les gens qui sont intelligents. Juste allé un jour dans un camp militaire prêcher chez un capitaine. Il y avait le colonel était assis là, il y avait un capitaine qui était là, il avait des problèmes avec sa famille. Pendant qu'il en est parlé, il m'a dit que je suis dans un ministère, j'ai regardé, j'ai ri. Le simple fait que je lui ai donné la définition biblique du mot ministère, il est tombé dans la chaise comme ça. Il dit que pourtant je connais ces mots. Il dit, capitaine, comment on fait pour te tromper? À l'instant, vous avez vu, on a écrit quelque part, ministère D, la délivrance ou bien quoi, ministère D, c'est déjà faux. De la même façon, si vous voyez, on a écrit église D, c'est déjà faux, même si on dit quoi devant, même si on dit église de Jésus-Christ né de nouveau, c'est déjà faux. Même si on dit église universelle de racheter, de les plus rachetés, les plus blancs, c'est déjà faux. Parce que l'église n'est pas un lieu. Le ministère n'est pas en un lieu. Le mot ministère, ça veut dire service, le service que tu rends. Vous ne pouvez pas déposer, vous ne pouvez pas mettre localiser le service quelque part. Vous comprenez? Parce que dans le monde, on dit ministère de la justice, et aussi que pour eux, ministère de la réconciliation. Il faut on ne peut plus les délivrer. En fait, on va les dénoncer pour que vous sortez de là. D'accord? Donc, vous voyez effectivement que les gens écrivent ministère D. Je ne sais pas si vous avez ça ici au Gabon, non? Oui. Alors, ministère D, ministère de la manne cachée, église de racheter, église de ceci. Alors, vous posez la question. C'est quand même curieux. Vous avez vu une seule de ces choses dans la Bible? Non. Dieu s'est-il trompé? Non. Non, non. Si Dieu ne s'est pas trompé, c'est eux qui se sont trompés. Parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Ah, église est rachetée, c'est nous qui sommes rachetés. Donc, si Dieu vient sur la terre, c'est vous ce qu'il allait prendre. En tout cas, l'église catholique dit que non, nous sommes l'église universelle du Christ. Que c'est le Christ qui a laissé son église. Christ les a laissés. Non. Protestants disent que non, nous protestons. Nous protestons, nous allons vous réformer. Christ les a laissés. Non. Nous sommes les pentecôtistes, nous crions, nous faisons le bruit. Le bruit, depuis qu'on fait le bruit là-bas, ça change quelque chose. Vous donnez le mot de tête. Christ a laissé l'église pentecôtiste. Non. Nous sommes réveillés. Il réveille déjà avec les batteries. Quand les batteries s'arrêtent, les gens qui sont là, ils dorment. Christ les a laissés. Non. Jésus-Christ a son église. Jésus-Christ a son Alléluia. Église. Son église est constitué sur la terre de l'ensemble de ceux pour qui il est mort, qui le craint, qui le servent de tout leur cœur dans chaque nation. C'est celui-là qu'il appelle son église. Ce n'est pas le lieu de rassemblement qu'il appelle église. Parce que quand il va venir, il ne va pas porter la maison si vous partez. Ce sont les êtres humains pour qui il est mort. C'est ceux-là donc qui constituent son église. Donc si vous comprenez que ce sont ceux-là qui sont constitués l'église, et que vous dites qu'il m'en va à l'église, il vous faut la délivrance. Parce que l'église ne doit pas aller à l'église. L'église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, ce sont des gens dans lesquels le Seigneur Jésus habite. C'est ceux-là donc qu'on appelle église. L'église n'est pas un lieu. Pointe quelqu'un dans le nez. Amen. L'église n'est pas un lieu. Change ton langage. Voilà. Vous y êtes? Voilà. Vous devez lire la Bible. Pour que vous ayez le langage biblique, vous devez lire la Bible. D'accord? Vous écoutez, on dit, Paul, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il dit dans Colossiens chapitre 4, verset 15 à 17, il dit que lorsque cette lettre ici vous sera lue, faites en sorte que vous lisez également ce qui viendra de chez les Laodicéens. Vous comprenez? Aux saints qui sont à Corinthe, l'église de Jérusalem vous salue. Quand on dit l'église de Jérusalem vous salue, c'est le mur de Jérusalem qui sont allés saluer les gens. Je reviens sur ça dans une autre partie. On va entrer en profondeur là-dedans. Donc en somme, Dieu dit ici qu'il n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Après, ça va toucher la cupidité. J'ai parlé des les gens qui vont dire soutenez l'œuvre de Dieu. Et la plus grande de ces œuvres-là, c'est leur bâtisse qu'ils veulent que vous construisez. C'est pour ça que je me suis arrêté ici. Ils vont dire qu'il faut qu'on construise un grand temple pour Dieu parce que notre Dieu est un grand Dieu. Ok, si leur Dieu est un grand Dieu, leur temple qu'ils peuvent construire, ça peut seulement dépasser votre présidence. Je le suis attentivement. Voici l'expression qu'ils utilisent. Notre Dieu est un grand Dieu. Il faut qu'on lui fasse vraiment un grand temple qui lui ressemble, n'est-ce pas? Quel que soit le temple que quelqu'un va construire dans ce pays, c'est pour Dieu. Ça va dépasser votre présidence. Mais normalement, si c'est plus grand, alors si Dieu vient, il va aller à la présidence. N'est-ce pas? Parce que d'après cela, c'est ça qui est plus grand que le temple. Alors, aucun être humain ne peut rien faire sur cette terre qui soit à la mesure de ce que Dieu voudra. Même l'orteil pourra supporter. Vous savez, c'est ça? Encore maintenant, écoutez très attentivement. Et je veux que ceci retienne dans votre intelligence. Sur la terre habitée maintenant, nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. Il n'y a pas de temple physique faites des mains d'hommes où Dieu y réside. Il n'y a nulle part. Donc aucun pasteur qui soit sur cette terre-ci ne peut dire que Dieu a dit qu'il construit telle chose. Dieu ne peut pas dire cela. Parce que c'est contraire aux saintes écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17, la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un être humain qui vous a construit, c'est lui. Vous savez, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le mur qu'on construit où il habite. Il habite dans ton corps. Quand tu quittes, donc tu viens te rassembler comme ça, c'est toi qui l'amènes là-bas parce que quand tu sors avec lui. Quand vous sortez avec lui. Quand vous sortez, le lieu là reste comme ça. C'est vous qui l'amenez là-bas. Vous me suivez? Maintenant, suivez attentivement. Sur la terre, donc, se trouvent seulement les êtres humains dans lesquels Dieu habite. Il n'y a pas une maison sur la terre où Dieu va dire que quelqu'un lui construit cela. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de le dire ici. Encore que. Si vous lisez votre Bible correctement, depuis Actes des Apôtres, vous allez remarquer qu'aucun chrétien, à aucune époque de la Bible, n'a jamais fait des appels de fonds pour construire un bâtiment. Vous avez remarqué? La première prédication a amené au salut 3000 personnes. Il dit bien la première prédication, quand il a prêché dans Actes chapitre 2, 3000 personnes ont cru. Au chapitre 4, 5000 personnes ont cru. Ça faisait combien? 8000. Si c'est parce que d'aujourd'hui, vous vous dites ce qu'ils vont faire. Vous savez déjà ce qu'ils vont faire, non? Il faut qu'on construise un grand temple, on casse maintenant. Pour qu'on ait au moins 10 000 places. Parce qu'on est à 8 000, bientôt on va atteindre 10 000. Ils n'ont jamais fait cela. Et il y avait parmi eux des riches. Curieusement, la Bible enseigne plutôt que ceux qui avaient des propriétés les vendaient. Venaient déposer le prix au pied des apôtres. Et on faisait la distribution à chacun selon son besoin. Voilà l'ordre de l'église. Aujourd'hui, on dit plutôt que si tu as le terrain, donne ça pour qu'on construise l'église de Dieu. Ils font tout et tout pour que le papier revienne en leur nom. Remarquez que le compte est au nom du pasteur et de sa famille. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ou bien au nom du ministère. Donc, la seule personne détenteur des signatures pour pouvoir retirer les gens, c'est lui. Quand il n'est pas là, sa femme a le droit de signature pour enlever l'argent. Et les ongles de sa femme, maintenant, peuvent commencer à devenir des vrais ongles aux faux ongles. Vous les voyez comme ça, elles effraient comme Njunju Kalaba. On doit vraiment se repentir. On doit se repentir. Pour eux, il y en a beaucoup qui sont entrés dans l'imitation. Les vrais vont sortir, mais les faux vont continuer à aller comme ça. Donc, toute personne qui se met au devant de vous en disant que nous voulons telle autre personne pour donner telle somme pour participer au temple de Dieu. Si vous avez participé, vous avez fait ça dans le néant. Vous ferez mieux d'aller réclamer votre argent là-bas. Vous faites mieux d'aller réclamer. De réclamer, c'est votre droit. Réclamer, qui vous donne. Et là, vous allez voir le visage de la personne. Il va dire, cet individu s'est introduit dans ma propriété privée. Vous allez comprendre maintenant que c'est sa propriété privée. Il va commencer à chercher les textes de l'église pour trouble aux personnalités de culte. Alors, faisons attention. Voulons-nous servir le Seigneur? Pointe quelqu'un. Dis, si tu veux servir le Seigneur, c'est conformément aux saintes écritures. Et pas plus. Pas moins. Seulement comme le Saint-Écriture dit. Voilà. On peut avancer. On peut vraiment avancer. Marc chapitre 6. C'est là où on a commencé, n'est-ce pas? Marc le chapitre 6. Vous voyez déjà la technique d'enregistrement de ces pasteurs, non? Marc le chapitre 6. Dès que je vais lire Marc chapitre 6. Je vais citer ce qui est dans Marc chapitre 8 pour étayer ce que je veux dire, d'accord? Apparemment, vous n'êtes pas content de moi. Vous avez des frères qui sont des pasteurs. En tout cas, si vous avez des frères qui sont des pasteurs, je m'en fous. Je suis obligé de dire la vérité. Voilà. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes allés donner verser de l'argent là-bas, que si avec cet argent, vous devez réaliser des grandes choses même pour le Seigneur, même pour votre propre vie. Vous prenez soin pour votre corps. Votre vie, les vies de vos enfants, vous faites honneur à Dieu plus qu'à les donner dans ces bâtiments. Marc chapitre 6, vous y êtes? Marc le chapitre 6. Il va lire à partir du verset, il s'agit de la multiplication des pains. Hein? Il veut la partie verset 30. Verset 30. C'est amusant seulement ce qu'il y a là-bas. C'est amusant ce qu'il y a dans ce livre de Marc. En fait, c'est même quelque chose que vous avez là lu. Pour vous, c'est une histoire. Mais de cette histoire, on va sortir ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre. D'accord? L'un des aspects. Maintenant, les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous avez ça? Ils n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnus et de toutes les villes où on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc il n'y a même pas de repos pour eux. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Écoutez très attentivement, soulignez grande foule. Jésus vit une grande foule, vous avez souligné? Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, il fuyait comme ça pour aller se reposer. Là, il ne pouvait plus se reposer. Vous y êtes? Maintenant, écoutez très attentivement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Soulignez, s'acheter de quoi manger. Pour s'acheter de quoi manger. On y va? Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Il faut qu'on souligne cela. C'est amusant. Voici des gens que eux, ils n'avaient pas le temps de manger. Parce qu'ils travaillaient, ils enseignaient. Ils fument même avec Jésus pour aller se reposer quelque part. Les gens viennent encore davantage. Et quand les gens viennent, Jésus se rend compte que voici une foule. Ils oublient eux-mêmes leur propre vie. À manger, ou pour se consacrer aux gens. Puis ce sont les disciples qui vont dire, oh, voici, l'heure arrive déjà, c'est déjà tard. Renvoie ces gens, c'est pourquoi ils partent dans le village pour chercher à manger, pour acheter à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Pourtant, ceux-ci n'ont pas mangé. Vous entendez les enseignements du Seigneur Jésus? Vous-même, donnez-leur à manger. Vous-même, donnez-leur à manger. Écoutez très attentivement. Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Soulignez 200 deniers, on commence là. Vous connaissez ces histoires, non? Maintenant, on va y rentrer maintenant. La journée était rémunérée en denier. Si vous regardez dans le livre de Matthieu, chapitre 21, la prophétie, enfin, la parabole des ouvriers des différentes heures. Lorsqu'on les rémunère, c'est un denier, d'accord? Donc, le salaire de toute une journée, c'est un denier. Et ici, les gens disent, les disciples disent, ce que Jésus a dit là, c'est impossible. S'ils avaient 200 deniers, donc l'équivalent de 8 mois de travail. Je veux que vous mesurez. L'équivalent de 8 mois de travail, ce n'est pas suffisant pour nourrir ceux qui sont là-bas. En fait, Dieu va nous, le Saint-Esprit va nous révéler le nombre de personnes qui s'y trouvent. Et c'est ce nombre-là qu'on va voir par rapport au faux pasteur aujourd'hui. Il dit, le pain que nous achèterons pour 200 deniers ne suffira pas. Et 200 deniers, ça fait 8 mois de ça. Le salaire de 8 mois, 200 deniers. Je ne sais pas si vous comprenez. 8 mois, vous travaillez par jour, pendant 8 mois. Vous achetez le pain de tout ce salaire-là. Ça ne suffit pas pour les gens qui sont là. Ah mon Dieu. Et leur donnerions-nous à manger. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Il s'en assurait et il répondit, 5 pains et 2 poissons. Donc normalement, c'est eux qui ont 5 pains et 2 poissons. Il dit, c'est suffisant pour nourrir ces gens-là. Les pasteurs, eux, ne comprennent pas que ce qu'ils ont, c'est pour les chrétiens. Ils amassent seulement. Je sais que ce qu'ils ont dit, ça peut être contraire, ça peut être bizarre dans votre tête. C'est bizarre dans votre tête, mais vous allez voir le mystère du Seigneur Jésus. Ici, prêtez attention, si ne regardez pas les gens qui passent, regardez, c'est ici que ça se passe. Vous déconcentrez comme ça, là, on va toujours jeter votre argent là-bas. Verset 39, regardez. Alors il les commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangée de 100 et de 50. Il prit les 5 pains. Et les 200 poissons, et levant les yeux vers le ciel, et de quoi? Les deux poissons, les 5 pains et les 2 poissons, merci. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42, tous mangeaient et furent rassasiés. Vous y êtes? Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux, et puis on dit, voici le problème. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Quand on parle de l'homme, c'est l'homme masculin. Et vous savez que dans n'importe quelle réunion, si vous voulez, on fait un décompte ici. Chaque réunion qui se passe, vous comptez le nombre de femmes, ils sont toujours plus nombreuses. On est d'accord, non? Si vous voulez, on essaie, vous allez voir que les femmes sont plus nombreuses. Chez les marabouts, les gens qui sont nombreux, ce sont les... C'est seulement au gouvernement là qu'on ne les laisse pas tranquilles. Alors on dit que c'était 5000 personnes qui avaient mangé. Ici, sans compter les femmes et les enfants. On va prendre le minimum qu'on nous a donné. Et vous allez voir quelque chose. Le minimum qu'on nous a donné, c'est seulement les hommes. 5000 hommes. Maintenant, je prends un exemple simple. Jésus prêchant à cette foule-ci. Il se lève et dit, faites passer le panier. Un denier chacun. Chacun donne un denier. Vous prenez les 5000. L'année, c'est chez les juifs, le calendrier juif, c'est 30 jours par mois. Donc ça veut dire que ça fait, en 12 mois, ça va faire 360 jours. Si vous prenez 5000, vous divisez par 360, ça va faire sensiblement 13,88. Donc si on arrondit à 14, donc 5000 divisé par 360, ça dépend pour trouver par jour, par mois. Ça lui fait 14 quoi? 14 ans qui va faire sans travailler, il pourra manger. Il faut qu'on mesure un peu. Je dis bien, si on fait passer le panier, chacun met seulement un denier. Je dis, il parle le minimum, les 5000 personnes dont on a nommé. Puisqu'on ne nous a pas donné le nombre de femmes, le nombre des enfants, laissons-les tranquilles. Le nombre qu'on nous a donné, 5000. Si chaque personne met un seul denier, un denier, ça va lui faire 14 ans sans travailler. C'est-à-dire qu'il peut rester comme ça pendant 14 ans. Il mange sans travailler. Mais Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. Donc, le bon berger ne regarde pas la foule comme un moyen de s'enrichir, mais au moins de donner la volonté de Dieu dans leur vie. Au chapitre 8, donc, c'est la même chose qui est réitérée là-bas. Vous allez encore voir que avec le, c'est une deuxième multiplication de pain. Là-bas, si vous calculez encore, vous allez trouver que ça fait 11 ans. Avec le nombre de personnes qui sont là-bas, si il y a encore un autre, ça fait 11 ans. Donc, 14 ans plus 11 ans, ça lui fait 26 ans qu'il joue sur la terre tranquillement. Ce qui veut dire, c'est que toutes les contributions que vous avez données, votre pasteur, il peut engager ça en bourse, construire des maisons à lui avec cet argent-là, il multiplie son argent, il vit tranquillement, vous souffrez. Vous comprenez cela? Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Regardez dans Jean chapitre 12, je vous ai donné. Dans Jean chapitre 12, il est question de le parfum des nards qu'on vient verser sur son pied là. Le parfum des nards coûte également 200 deniers, donc 8 mois de salaire. 8 mois de salaire que cette femme avait gardé. Acheter le parfum pour venir verser sur le pied du Seigneur Jésus. En clair, qu'est-ce que je suis en train de dire, sachez que vous, rassemblés dans un lieu comme des sardines, on vous met dans un confinement de cimetière pour prendre votre argent pour creuser votre tombeau. Vous devez arrêter cela. D'accord? Vous devez arrêter cela. Ceci donc, si vous donnez des engagements là-bas, vous prenez les enveloppes, c'est pour ça qu'ils ont prêt tout pour mettre les enveloppes. Pour que vous faites, ils font l'effort pour que vous ne donnez pas les pièces d'argent. Il faut que vous donnez ce qui est en biais. Vous comprenez? Puis il dit que donnez ce que votre vie en dépend. Vous vous êtes posé la question que les pasteurs là, eux ils donnent à qui? Vous avez posé la question qui donne ça à qui? Eux ils prennent, ils donnent à qui? Mais vous voyez chaque fois leur maison pousse, ils viennent même se vanter de leur prospérité. Ah, oh, on a construit notre château. Vous encore vous applaudissez. Jérémie chapitre 5, ouvrez. Jérémie le chapitre 5. Et vous-même, vous rentrez à la maison, faites le commentaire. Hein, avec d'autres chrétiens de l'autre dénomination, vous dites votre pasteur a quoi? Notre pasteur a un château. Vous ne savez pas que c'est vous qui construisez son château. Jérémie le chapitre 5. Avec, suivez ce que la Bible déclare là. Quand vous allez finir, Jérémie ne ferme pas parce que le livre qu'on va lire par la suite est proche. Là. Jérémie chapitre 5, nous avons noté aujourd'hui le verset 30 et 31. Écoutez ce que Dieu dit. Des choses abominables, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Écoutez très attentivement. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Le plus grave, et mon peuple prend plaisir à cela. Puis pose la question, que ferez-vous à la fin? Des prophètes prophétisent des faussetés. Vous y êtes? Nous sommes dans Jérémie chapitre 5, verset 30 et 31. Des prophètes prophétisent des faussetés, avec fausseté. Des sacrificateurs dominent sous leur conduite. Ce n'est pas le plus grave là-bas. Le plus grave. Veuillez fermer la porte là, s'il vous plaît, parce que ça. Oh, puis on dit quoi? À haute voix. Et mon peuple prend plaisir à cela. C'est-à-dire, qui est le problème? Le peuple. C'est-à-dire que si vous refusez ça, ils ne seront plus là. Il dit, mon peuple prend plaisir à cela. Oui, les gens se lèvent, ils s'applaudissent. Je dis ceci. Dans ces réunions-là, vous allez voir, on divise compartiment par compartiment. Groupe des jeunes, on dit que vous allez donner telle somme. La réunion des femmes, c'est ici. On finit, c'est exactement comme chez le monde. On fait une table, il y a les trésoriers des tables. On vote de l'argent, il y a le budget. Vous avez vu ces choses-là dans la Bible? Yeah. Pointez quelqu'un dans le doigt, dans le nez. Vraiment, vers son nez. Vérifiez que vos doigts sont sur son nez. Dites qu'il y a la réunion mondaine. La réunion de Mammon. La réunion de Mammon. Voilà. Écoutez, dans Matthieu, il y a même d'autres ici qui sont des postes de responsabilité. Vous devez lâcher ça maintenant. Vous aimez quand vous appelez maman, maman, maman, parce que non, j'ai des responsabilités à l'église. Je suis surpris parce que quand il vais souvent quelque part, il prêche. Pendant que l'heure arrive, quelqu'un dit qu'il m'en va à l'église. Je suis amusé. Il dit qu'il part à l'église. Donc il quitte comme ça, il dit qu'il s'en va au cimetière. On a dit lui, la Bible dit qu'il s'en va au cimetière parce qu'il va arriver là-bas. On a dit qu'il est venu tôt. C'est lui qui a ouvert la porte. Il a classé les chaises. Il n'y a pas un don pour classer les chaises. Il n'y a pas un ministère pour balayer l'église. On ne balaye pas l'église. L'église vit dans la sainteté. C'est ça dont il est question. Alors, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 24 que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mais je veux que vous compreniez qu'en plein centre de votre dénomination se trouve Mammon, pas Dieu. Vous vous rassemblez, tout tourne autour de l'argent. On fait la quête, après quelqu'un allait le compter. On dit, ne donne jamais le nombre, la somme à quelqu'un. Parce que de peur d'attirer l'attention des gens. Vous voyez la cupidité, n'est-ce pas? Vous voyez la cupidité. Ah, que Dieu nous vienne vraiment en aide. On se rassemble, on parle de Jésus. Après, c'est la quête qui est là, la quête de l'argent. On ne peut pas parler de Jésus, c'est parler de Mammon là-bas. Jésus a dit clairement, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mais c'est Mammon qui se trouve là-bas, en grande partie. Le livre-ci, acheter ce livre-ci, comment réussir son bon mariage. Lui-même, il est là, il bagarre avec sa femme, avec le petit ami. Lui, il ne vit pas en règle, mais il écrit le livre sur le mariage. Comment envoyer un foyer chrétien. Écoutez très attentivement. Pour avoir un foyer chrétien, de la bonne façon, soyez conforme à ces écrits-ci. Amen. Dans Proverbe 22, que nous avons là, lui ici, verset 17, il dit que n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui est bon et utile, tout est déjà mis ici. Il n'y a pas un mystère. Si quelqu'un voit un livre, il dit mystère sur le mariage. Il n'y a pas un mystère sur le mariage. Ça se trouve ici, dedans. C'est parce qu'il sait qu'il va acheter la Bible pour vous vendre. Il faut qu'il écrit des choses, barater les choses pour vous vendre. 5000 francs, 10 000 francs, 6 francs. 10 personnes achètent, ça lui fait combien? 100 personnes achètent, ça fait combien? 1 million. Pas étonnant qu'ils font tout pour écrire. Et ils vous poussent à lire ces choses plutôt que la Bible. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez la lecture de votre Bible. Amen. En lisant votre Bible, personne là, ne pourra plus vous dégommer de la parole du Seigneur. Et alors, même si quelqu'un vient, même s'il est raffiné, même s'il parle, il a le visage comme pour Jésus derrière la photo là. Si ce n'est pas conforme à la Bible, laissez-le tranquille. La Bible déclare dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, la Bible dit que quand bien nous-mêmes, ou bien un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Puis dit, nous l'avons dit précédemment, et je le dis à cette heure-ci même, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, autre que ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit au plus haut point. Vous comprenez cela? Donc la doctrine de prospérité est diabolique. La doctrine de prospérité est diabolique. Sa source, c'est Satan. Satan l'a initié pour attraper les gens par le matériel. Dieu va vous enrichir. Le peuple dit Amen. Si tu ne cries pas Amen, ta part ne vient pas. Donc, pour que Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est Amen qui. Ça dépend de Amen. Si tu crois que ceci va arriver, viens semer. N'importe quoi, on tourne la sémence. Quelqu'un dit que, oh, témoignage. Il dit oui, témoigne. J'étais malade. Le papa a dit comme ça que je sais bien semer quelque chose. Et puis, je suis rentré. Ça s'est réalisé comme il a réalisé. Après, il arrache encore le micro. Que je vous le dis encore. Celui qui veut que son témoignage comme ça, là, sceller son témoignage par le sémement. Chacun soit encore, il donne. Donc vous vous rendez compte que vous pouvez aller avec 80 000 francs, vous laissez l'argent. Il y a offrande après chaque nouveau. Offrande de l'onction, offrande de visitation, offrande de prophétie. C'est la sorcellerie, je vous le dis. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais vous avez vu dans ce Jérémie, chapitre 5, il dit, mon peuple prend plaisir à cela. Ils aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Une jeune fille se trouve sur Internet de collaborer avec le blanc. Ouvre ses seins, montre sur la caméra. Elle vient donner la dîme de ça. Le pasteur prend, il prie pour lui que non. On va prier, Dieu va envoyer le blanc là. Donc Dieu va envoyer le blanc pour venir faire la perversion avec son enfant. Il vous faut la repentance. Ézéchiel chapitre 34. Nous sommes dans Jérémie, avancez rapidement devant. C'est pour ça que je vous ai demandé de regarder ce passage là. Ézéchiel chapitre 34. On va lire à partir du verset 1 de Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 34. Tout le monde y est? À partir du verset 1. Regardez. Et aidez quelqu'un à ouvrir, s'il vous plaît, pour qu'on lise, on aille rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre des pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se percent eux-mêmes. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se percent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous entendez ce que les pasteurs font, non? Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Par conséquent, les gens retournent dans le monde. Vous voyez ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ce que les pasteurs font. Vous dites, c'est mieux qu'on rentre à l'église catholique parce qu'au moins, ils sont calmes dans la fausseté depuis. Eux ne changent pas leur fausseté. Ils disent Marie, depuis qu'ils sont nés. Ils disent Marie, toujours en blague, ils font leur encens. Si tu veux, vous avez vu le prêtre sortir pour aller prêcher. Vous avez un prêtre dehors. C'est vous qui leur donnez le terrain. Vous construisez. Vous venez le rencontrer. Ils vous donnent les démons. Verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis qui se percent eux-mêmes. Qui se perçaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus perdre mes brebis et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Vous avez suivi? Alors, avançons dans le livre de Michée, du prophète Michée. Avancez seulement rapidement là. Vous traversez Daniel, vous traversez Amos, et puis vous allez rapidement dans le livre du prophète Michée. Vérifiez que vous avez traversé Amos. Vous avez traversé Daniel, ainsi de suite. Donc, vous traversez Daniel, vous traversez Amos. Après ça, c'est Michée. On y va. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le calme dont vous faites montre afin que nous travaillions. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand on prêche comme ça, vous voyez tel serviteur devant vous, si vous l'arrêtez là, vous allez lui demander de son argent là. Mais ce n'est pas comme ça. Ça vous a vacciné comme ça pour que désormais vous devenez sage. Souvenez-vous donc, même si vous donnez ce message, si à quelqu'un ne comprend pas, laissez-le tranquille. Parce qu'on a prophétisé qu'il y aura plusieurs qui vont aimer comme ça. D'accord? Laissez-le, on les mange bien. Quand ça va les toucher, ils sont censés comprendre, ils vont comprendre. Si ça vous a injecté, vous êtes sorti. Maintenant, vous êtes devenu sage. Le pasteur va prêcher contre vous désormais. Michée chapitre 3. J'ai dit, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Puis il dit, ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront à l'Éternel, vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Soulignez. Donc, quand vous donnez quelque chose au pasteur, vous êtes son ami. Et il vous parle jusqu'à ce que quoi, peut-être que la place que Jésus avait réservée à sa droite, là, c'est à vous. Deux fois, on ne donne plus l'argent. Il va t'appeler d'abord dans son bureau. Il dit que depuis que tu n'es plus fidèle, Dieu est fâché contre toi parce que tu n'es plus fidèle dans les dîmes. C'est lui qui est fâché. Hein? Il dit que c'est Dieu qui est fâché. Il dit dans les dîmes, on offrande. Regarde Malachi. Le temps qu'on vous effraie avec Malachi s'est passé, n'est-ce pas? pendant qu'il dit mal, si vous bougez les pieds comme ça, qu'il finit, vous lui posez seulement la question que la nation toute entière, là, c'est qui, pasteur? Il va à laver le mouchoir, faire comme moi, comme ça. Il va dire, donc tu es devenu sage, hein? Là, maintenant, tu vas lui donner rendez-vous que pasteur, je veux qu'on discute des écritures. Il va dire, non, je suis trop occupé, j'ai un séminaire. Quand vous allez lire les écritures, vous allez avoir le zèle pour Dieu. Vous allez seulement dire, je les attends ici à quatre pieds. Qui vont venir avec deux puis rentrer avec quatre. Donc la Bible déclare que ainsi parle le Seigneur aux prophètes qui prophétisent la paix s'ils ont quelque chose à mordre sous la dent. Et c'est la guerre lorsqu'ils n'ont rien à manger. Vous avez entendu telle chose, n'est-ce pas? Vous le connaissez. Il y a les marques de déposer de ces gens-là ici. C'est partout dans la Bible. Partout dans la Bible. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est fidèlement la parole de Dieu qui allait les accomplir. Parce qu'en réalité, sur la terre se trouve l'ivraie et le vrai. Et Jésus avait dit qu'on les laisse croître ensemble. D'accord? Ils doivent croître ensemble. Jésus, notre Seigneur, a dit à Matthieu 24, dont je vous ai donné. Au verset 6, les disciples vont se réunir, vont lui demander que Seigneur, est-ce en ce moment ce que tu vas rétablir? Non. Quand est-ce que nous savons que ces choses s'accompliront ou le signe de ta venue et de la fin du monde? Jésus va dire au verset 6, prenez garde que personne ne vous séduise. On pose la question sur la fin du monde. Il dit, première chose, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 11, il dit qu'il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Donc, les fausses onctions. Christ veut dire, ouais, des gens qui ont de fausses onctions. Il dit qu'ils feront des miracles au point s'il était possible de séduire même les élus. Donc, vous devez faire attention si vous n'êtes pas séduit. D'accord? Mais je crois que pour ma part, comme vous avez vu la lumière resplendir sur vous, vous ne serez plus séduit. Vous allez comprendre maintenant que je dois être minutieux. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit. C'est pour ça que moi, quand il vous dit, il dit, allons dans tel endroit. Il n'est pas simple que vous lisez. Il n'est pas simple que vous lisez. Il n'est pas question de prendre deux versets, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, faire 45 minutes et le reste, on fait les autres activités. Je ne suis pas là pour vous entretenir. Je suis là pour frapper la queue du serpent, la tête du serpent sur vos âmes. Qu'elle libère votre âme pour que vous servez le Seigneur dans un esprit nouveau. C'est pour ça qu'il m'a envoyé sur la terre, pour restaurer ces choses-ci. Que là où vous marchez à gauche et à droite, que vous compreniez que le chemin du Seigneur est droit. Les justes ceux y marcheront. Il a dit, aucun impu n'y entrera. Même pas ceux qui se livrent aux mensonges et aux ablations. Ils n'entreront pas là-bas. Vous comprenez? C'est sans tache ni ride. Vous passez le temps, on ne vous dit pas que la fornication n'est pas bonne. Vous pouvez faire n'importe quoi, venez donner l'argent. On ne prêche pas sur la sainteté contre le péché. Et vous allez vous avancer où avec cela? Vous sortez de marier du tout, même à l'église, quelqu'un entre avec la voiture, tu dis, je vais faire pour celle-là me voir. Quand c'est les gens sont insultés, comme tu peux pisser, tu tournes devant les gens pour qu'on te voie. Tout le monde, le pasteur de panique, toute la terre est sur toi, vous êtes tu as, avec les babouches qui font le bruit, pata. C'est quand ce de Dieu vous vivez comme ça? Je veux que vous compreniez que Jésus, notre Seigneur, a dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Donc vos pensées, même ce que les gens ne peuvent pas savoir, il les connaît. Vous savez cela, donc vous devez faire attention à votre vie. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Vous avez noté ça aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3. Pendant que vous allez ouvrir, je vais vous dire quelque chose avant qu'on lise. Un de ces jours, ou une de ces années, si le Seigneur permet, quand il va venir ici, on va travailler particulièrement par rapport à Apocalypse, ici au Gabon. On va prendre le livre d'Apocalypse. Donc, pendant qu'il est parti, lisez votre Bible doucement. Si le Seigneur m'envoie encore ici, je viens. On va travailler parce que vous devez être des champions. Vous devez être des champions parce que j'ai vu votre jeunesse. Dieu m'a montré votre jeunesse. Vous êtes vigoureux, vivant. Vous êtes vivant. Il y a un réveil qui se prépare ici. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de passer votre temps dans la lecture de la Bible. D'accord? La lecture de la Bible. Ça doit être votre priorité. Votre priorité. Cessez de lire les brochures, les livres à gauche et à droite. Lisez la Bible. La Bible dit que c'est toute écriture. Il n'a pas dit que tous les livres sont inspirés. Il a dit toute écriture. L'écriture qui est là-dedans, c'est inspirée de Dieu. On n'a pas dit que les livres sont inspirés. Parce que dans ce livre-là, se trouvent les estampilles, les signatures des francs-maçons. Évitez ici, c'est parfait. Dans le livre d'Apocalypse, donc, à partir du chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ écrit à sept églises. Ils envoient les enveloppes de ces messages-là à sept églises qui sont les sept dispensations de la période de la grâce. Vous comprenez? L'église, la période de l'église est subdivisée en sept périodes. La période de la grâce. Dans chaque période-là est caractérisée par les esprits qui se manifestaient à chacune des époques. Vous comprenez? Dans Apocalypse, au chapitre 2, partie verset 1, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse. D'accord? Il va décrire Éphèse. C'est la première période de l'église. Donc, lorsque le Seigneur a quitté, l'église qui vivait à cette époque-là, c'est l'église d'Éphèse. Après, va venir Smyrne, Thyatire, ainsi de suite. La dernière église dans laquelle nous trouvons, c'est au chapitre 3. On l'appelle Laodicée. Disons, je voulais avancer. Il faut que je vous explique cette histoire avant qu'on y entre. Laodicée, parmi les sept églises, c'est la seule église qui est nommée après une femme. Laodicée. C'était la femme. La ville a été donnée au nom de l'empereur Antiochus quand il avait conquéré l'Asie mineure. Il a donné la ville au nom de sa femme. Et Dieu a typifié l'église de la dernière époque à la femme. C'est la seule qui est appelée de le nom d'une femme. Et quand il a donné le nom d'une femme, à partir de cet instant, le Saint-Esprit veut montrer que le mouvement féministe va surgir à la fin de la période de l'église. Les femmes vont se lever pour prendre les places qui ne leur ont pas données. 2. 3, les femmes seront extravagamment ensorcelantes par leur beauté fétichiste de Jézabel. J'avance. Et l'une des premières caractéristiques de l'église de Laodicée, c'est que Dieu ne donne aucune appréciation. Parmi les sept églises qui seront décrites d'Apocalypse, c'est la seule à qui Dieu ne donne pas l'appréciation. Pourtant, il demande des vainqueurs là-bas pour hériter avec lui. Donc, c'est pour dire que si vous échappez à une femme, l'argent va vous guetter. Vous échappez à l'argent, la mondanité va vous guetter. Donc, l'époque, si c'est une époque de mélange. Parce que Jésus a dit que tout ce qui se passait dans le temps de Noé, le temps de l'autre, se passera à sa venue. Donc, ceux qui vont attendre sa venue vont voir ces choses-là. Donc, non seulement vous luttez contre la fornication, vous voyez qu'on lutte contre le lesbianisme, les homosexualités, les fétichismes, toutes ces choses qu'on nommait dans la Bible ancienne, c'est en plein en nous, avec nous maintenant. Au point où nos dirigeants même sont dans le même cercle. Ça montre que le Seigneur est à la porte. Et donc, quelle ne doit pas être la conduite de notre sainteté devant le Seigneur. Nous devons encore davantage être plus fins dans la lecture de la Bible et dans le sérieux avec le Seigneur. D'accord? Et donc là, l'église de la dernière époque est caractérisée d'abord par le mouvement féministe. Vous voyez que c'est la seule période de l'église où les femmes réclament la prédication. Réclament la place des prédicateurs. C'est notre époque. C'est normal que ça arrive comme ça parce que c'est prophétisé. Maintenant, l'une des choses donc que je suis en train de montrer et dont quand nous parlions des faux pasteurs tout à l'heure se trouve contenu là-dedans. Donc, normalement, si vous regardez, j'ai regardé dans la Bible partout et je vous ai fait brosser Jérémie, on a lu, Michel, on a lu, Matthieu et puis Actes des Apôtres, vous avez lu. Maintenant, on va voir effectivement que c'est prophétisé dans notre époque, que notre époque de dispensation est caractérisée par cette histoire. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Stoppons d'abord. Vous avez vu? Dieu veut par là dire clairement que l'audacité du Saint-Esprit ne se trouve plus en milieu de l'assemblée chrétienne. L'audacité. Voilà donc pourquoi on va tronquer ces choses-ci, la manifestation du Saint-Esprit, aux activités religieuses. Vous allez voir que les cultes sont régularisés. Quand vous venez au culte, vous venez à tel et vous savez que telle chose s'est déjà passée. L'église catholique, vous vous asseyez comme ça. J'étais étonné, les 16 jours, je ne sais pas où j'étais. J'étais en train de passer quelque part. Il y avait une église catholique d'un côté. À l'intérieur se trouvait le prêtre. Et puis il y avait des garçons qui fument les chanvres tout autour, à côté. C'est-à-dire hors de la mission. Moi, je passais. Dieu me met souvent des choses pour voir les choses, je vous le dis. Le prêtre faisait quelque chose à l'intérieur. Celui qui fumait le chanvre dehors répétait les mêmes choses. C'est-à-dire. Il disait même quelque chose avant que... C'est ça qui a attiré mon attention. Donc quand il dit quelque chose, le prêtre qui est à l'intérieur dit la même chose. Donc il savait ce que le prêtre allait dire, pas même qu'il est à l'intérieur. Si vous savez donc ce que le prêtre va dire, vous allez donc faire quoi là-bas? Si vous savez qu'à telle heure, il y a telle chose. Juste quand on tient, j'ai la joie, chacun va ouvrir le porte, mais que ça c'est le moment des offrandes. Quelque chose ne va pas avec l'église, je vous le dis. Quelque chose ne va pas. Vous vous asseyez, vous savez ce que vous allez dire. Le pasteur a préparé ses papiers ou bien son carnet, l'agenda, il a écrit. Il reste là, si la feuille fait comme ça, vroom, il ne peut plus prêcher parce que le message est parti. C'est le cas de l'église ici. Et il prépare, s'il y a quelqu'un qui a mal parlé de lui ou bien qui a entendu quelque chose, c'est ça qui va faire la prédication. Il parle comme ça parce que là où tu es, tu peux péter. La prédication maintenant, donc, le lieu de prédication est devenu le lieu de compte. Vous appelez quoi? Le règlement? Règlement de compte. C'est la Bible ça, frère. Ça, c'est la Bible. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance dans l'optique que Dieu leur accorde la repentance et que revenant à eux-mêmes, ils se dégageraient des pièges de Satan qui les a tenus captifs pour les soumettre à sa volonté. Mais les pasteurs sont... Il y a des églises même que les pasteurs bagarrent ou tournent autour de là, c'est les deux choses. Soit il a pris la femme de quelqu'un, soit c'est l'argent qu'il ne veut pas donner. Voilà ce qu'on trouve au milieu chrétien aujourd'hui. La Bible déclare par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. La Bible déclare même plus loin que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quand il y a des bagarres dans les filets, les fidèles sont comme ça, le pasteur s'y met dessus. En fait, c'est sa nature qui se manifeste pour que Dieu te montre que la personne sur qui tu te confies ne devrait pas être ton confident. C'est Jésus-Christ qui doit être votre centre. Vous savez, n'est-ce pas? L'homme va toujours vous décevoir quand vous vous confiez en l'homme. Ésaïe chapitre 2, verset 22 dit que maudit soit celui qui se confie à un homme. Si vous vous confiez en l'homme, vous aurez toujours des déceptions. La seule personne qui ne déçoit pas, c'est le Seigneur Jésus. Confiez-vous en lui, de tout votre cœur, de tout votre être, sans réserve. Même s'il fait n'importe quoi que vous ne comprenez pas bien, c'est pour votre bien. Mais l'homme, il est méchant. La Bible déclare que l'homme lui-même ne connaît pas son propre cœur. Donc il peut être surpris qu'il soit méchant envers toi. Alors que lui-même, vous voyez que son propre corps ne va pas, ne le laisse pas. Son propre cœur lui-même ne maîtrise pas. Tu dis non. Je connais tel pasteur, c'est mon frère, je l'aime bien. Tu l'aimes bien. Quand ce pasteur vient de Bénin, de la Côte d'Ivoire, avec une onction spéciale, on dit pasteur, ceci, ils font dans le bureau. On lui donne une bague. Tu es là? Non. Quand il donne une huile, que maintenant, verse ça dans ton hôtel. Le serpent se plante ça sur ton hôtel. Toute personne qui vient inviter les gens qui viennent prier là-bas. Vous êtes là? Non. Après, vous voyez que subitement le message change. Faites attention de vous confier aux hommes. Faites attention de vous confier aux hommes. D'autres vont dire qu'acheter le seau. D'autres disent qu'acheter ces savons-ci. D'autres comment à dire l'eau si vous venez prier sur ça. Apportez votre eau. Venez acheter de l'huile ici. Le message change. Le mouchoir. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout ce qui est de Dieu est gratuit. Il vous a délivré hier. Vous avez payé quelque chose. Si c'était les autres, ils vont dire que vous payez 500 000, non? Que après ça donnait l'enveloppe pour l'onction. Ça montre qu'il doit entretenir l'onction quelque part. Vous comprenez? L'onction de Dieu ne s'entretient pas par l'argent. On entretient ça par la sanctification. D'accord? La sanctification entretient l'onction. D'accord? Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors il dit à cette église de Laodicée. Il dit, ce que j'ai contre toi, je connais tes œuvres. Il sait que tu n'es ni froid ni bouillant. Dieu veut dire que l'audacité du Saint-Esprit ne se trouve plus au milieu. Quand l'audacité du Saint-Esprit ne se trouve plus au milieu, donc les gens inventent de certains rituels pour pouvoir pallier à cela. Alors vous avez les activités de la jeunesse, l'école du dimanche, la répétition des vendredis soir pour le culte du dimanche matin, la vérification des instruments, le piano, le son du piano. Le pasteur prêche quand il va vouloir adorer. On va toucher l'adoration ici. On est sur le moment d'adorer le Seigneur. Chacun se ferme les yeux. Seigneur, j'ai la chair de poule. Prends quelqu'un dans le nez. Que même si tu as la chair de canard, tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, on va toucher ce que c'est que l'adoration de la Bible. Vous serez surpris. Chaque fois, vous serez surpris que ce qu'on vous dit dans ces assemblées n'a rien à voir avec ce que la Bible est en train d'enseigner. On dit que l'adoration, c'est quand on chante doucement. Ton nom est la solution. Suivez Michael Jackson, les gens suivent ça aussi. Ils ont des chairs de poule. Donc, ils ont aussi la. Ils adorent qui? Donc, l'adoration, c'est pas comme ça. Oh. C'est pas ça que la Bible appelle l'adoration. L'adoration, c'est pas le slow chrétien. D'accord? Le slow. Vous savez le slow, n'est-ce pas? Le slow chrétien. Ça vous entraîne comme ça, vous entraîne. Après, vous possédez bien. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'on a utilisées pour parler au Saint-Esprit. Vous regardez la Bible de façon critique. Vous allez remarquer très attentivement que vous n'avez pas deux choix que de fuir ces endroits. Parce que c'est le lieu de cimetière, les tombeaux ouverts. On avance, ou bien on prend une pause. Finissons avec Apocalypse, là, d'accord? Mais je ne suis pas obligé, je suis obligé de vous parler comme ça pour essayer de dégommer toutes ces choses-là en vous. Parce qu'au fur et à mesure qu'il parle, il y a le nettoyage même. Ça vous révolutionne, votre pensée est renouvelée. Donc il dit, ce que j'ai contre toi, remarquez très attentivement que je connais tes œuvres. Donc Dieu dit, la période de l'église de l'Odyssée, il connaît qui est qui. Il connaît ce qu'on fait. Il dit, ce qu'il a contre nous, c'est qu'on n'a ni froid, ni bouillant. Puis dit, puisses-tu être ainsi, puisque tu ne pas. Parce que tu es tiède. Jeté. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà la seule promesse que Dieu a donnée à l'église de l'époque. Donc Dieu va rejeter. Alors quand vous lisez ces choses-ci, ça doit vous pousser encore à la méditation. Dieu parle d'abord individuellement. Vous devez poser la question, est-ce que ma vie spirituelle est bouillante ou bien je suis tiède? Amen. Vous devez répondre à cette question. Vous devez regarder les trois positions. Il dit, la position intermédiaire, si tu es dans la position intermédiaire, il va te rejeter. La position intermédiaire, c'est la froideur mélangée avec un peu de chaleur. On appelle ça le pentecôtisme. Vous y êtes? Vous avez lu les deux, les vieilles sages et les vieilles folles? Oui. Vous avez lu cette histoire? Oui. Pourquoi on appelle les autres sages? Ils avaient pris quoi? De l'huile. L'huile là symbolise quoi? Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, attendez jusqu'où vous attendez. Il va venir partir, vous ne saurez même pas qu'il est venu. C'est pour ça que quand il va revenir ici, on va accentuer sur le Saint-Esprit jusqu'à ce que chacun de vous soit revêtu de la puissance d'en haut. C'est ce qu'il en est. C'est l'accent de chaque chrétien. Ne pensez pas que quand vous allez rester comme ça, que Seigneur, il a trop donné d'argent dans la maison-ci. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, concernant ces choses touchant le Seigneur, l'apôtre Philippe est descendu, l'évangile Philippe est descendu en Samarie, il a prêché l'évangile, il a guéri les malades, ressuscité les, quoi, chassé les démons. Il y a un monsieur dans cette ville-là qu'on appelle Simon le magicien. Il avait longtemps épaté les gens par les arts de magie qui lui avaient été donnés de faire. Lorsqu'il va croire au Seigneur Jésus-Christ, lui, évidemment, il va être baptisé, quelque chose va arriver dans sa vie. Il va voir effectivement que ceci, parce qu'il fait des chemins, il fait des choses, et il sait que même ceux qui font la magie savent qu'il y a un téléphone qui est en train de vibrer. Il sait qu'ils font le faux. Alors il voit effectivement comment Philippe dit au nom de Dieu qui sort, les démons sortent du corps. Il dit merde, ça c'est encore quelque chose de magie. Voici le magicien qui lui met supplié, c'était magie. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce Simon-là, quand les apôtres vont venir, Jérusalem va envoyer les apôtres Jean, Pierre et Jean qui viennent prier pour ceux de la Samarie afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand ils vont venir prier en imposant, mais le Saint-Esprit va venir sur les gens, la Bible déclare que Simon a observé que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Il a appelé les apôtres par derrière, il dit que j'ai le reste d'argent de magie à la maison. Ne dis à personne, hein, je vais faire comme vous. Je te donne cet argent, vous me donnez le don là. Comme ça, moi, je vais imposer les mains sur les gens seront. Vous entendez ces choses? Donc, il y a des gens qui partent acheter l'onction. Il y a des gens, ils voient, ils partent au Bénin, ils rentrent, le miracle commence. Il a avalé le vaudou. Après, il revient maintenant, il dit que le miracle. C'est pour ça que chaque fois, il doit aller entretenir. La Bible déclare que leur fin sera selon leurs œuvres. Mais maintenant, je pose la question. Quand ils imposent les mains sur vous, qu'est-ce qu'ils transmettent? Vous devez poser les questions. Votre âme est attachée à un hôtel satanique au Bénin. Toutes les âmes, vous faites n'importe quoi. Il y a un enseignement que je vous invite de suivre, particulièrement sur la chaîne YouTube Bambaïba. Le titre, c'est « Connais-tu ton pasteur ?» Connais-tu ton pasteur? C'est l'histoire d'un pasteur nigérien qui avait ouvert sa dénomination. Il est allé, il a travaillé, rien ne marchait. Rien ne marchait. Il est mort par accident. Rien ne marchait. Et puis, il s'est dit qu'il allait voir ce qu'il appelle Archbishop. Que avec ma femme, on veut que notre ministère marche. Vous voyez, quelqu'un sait Dieu. Il va voir un homme pour que cet homme fait, pour que son ministère qu'il appelle un homme. Tout est d'abord faux, tout ce qu'on a appelé. J'appelle avec le langage. Le monsieur lui dit que tu as le cœur. Il dit oui, j'ai le cœur. Tu as le cœur. Il dit oui, j'ai le cœur. Il lui a dit, va donc, prends 350 000 naira, c'est-à-dire dans les 1 million de francs CFA. Apporte. Ils sont allés, la femme allait prêter l'argent, elle lui donnait. Il dit, ok, prépare-toi, on va voyager à Port-à-Côte, dans une place au Nigeria. Ils sont allés dans la nuit, le monsieur les a amenés en bordure de mer. Il a dit, quelle qu'en soit ce qui va arriver, n'aie pas peur. La nuit, il allait la parler à la langue qu'on parle là. La sirène des eaux est sortie, venait coucher avec lui en bordure de mer. Il dit que cette nuit-là, il y avait des centaines de pasteurs qui étaient là pour le rituel. Des centaines de pasteurs. Et lorsque cette femme-là a couché avec lui, il a dit, cette nuit, si tu vas aller enseigner dans cette même, à l'assemblée de ces gens-là, il a dit, cette nuit-là, quand il a parlé, quand il prêchait, quand il levait la main sur moi, les gens tombaient, l'humilité à tout. Il dit que lui-même était surpris de la manifestation de cette onction-là. En fait, en fin de compte, en l'espace de 3 ans, il est passé de 150 personnes à 11 000 personnes. 11 000. La question que je me pose chaque fois quand je suis son témoignage, c'est que les 11 000 personnes, quand ils partent là-bas, qui les attire? Et chaque fois, il fallait qu'ils augmentent l'onction en couchant avec des vierges et les femmes mariées pour entretenir l'onction. Quand ils couchent, cette vierge-là, comment est sa vie? Plus tard, quand son mari va l'épouser, que va-t-il devenir? Vous voyez les évangiles de Satan à tous les échelons. Les 11 000 personnes, quand il a imposé les mains sur lui, il a transmis combien de démons? Après maintenant, Dieu va lui montrer comment il brûle en enfer pendant 7 fois. Il se lève une fois, il continue le sommeil, il voit seulement. Il a demandé la prière à Dieu, Dieu avait fermé la porte. Il a cherché la délivrance, rien ne s'est passé. Les démons ont commencé à le tourmenter jusqu'à ce qu'on a fini par le tuer par accident. En mourant comme ça, combien de personnes il a donné l'onction, les démons. Et il dit comme ça là, pour que les gens qui sont en état d'alerte, soient en état d'alerte, parce qu'il dit, il avait peur d'aller vers le pasteur pour sa délivrance, parce qu'il savait que la majorité des pasteurs travaillent avec cet esprit. Parce que s'ils partaient là-bas, ceux-là devaient le tuer directement parce qu'ils veulent quitter leur camp. Et on voulait le tuer rapidement avant qu'il ne parle. Il a dit que la majorité des archbishops que vous voyez, c'est pour ça que j'ai ri seulement. Quand les gens viennent, vous les voyez avec la bague, ils sortent avec de façon pompante. Dans les stades, les gens tombent. On dit, wouh, le pasteur là a l'onction. On dit, vous ne dites pas 3 fois. Cherchez l'onction du Saint-Esprit authentique. L'authentique, elle a ne cherchez pas le faux biais. Dis à quelqu'un que quand il y a le vrai biais, ne négocie pas le faux. Ne négocie pas le faux. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Amen. Donc, on a comme impression que Dieu se trouve en Amérique ou bien au Nigeria. Que le pasteur nigérien, là, il a le plus grand tour de prière. Il a le plus grand tour de ceci. Si vient, vous allez voir. La Bible déclare dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, que le Seigneur parcourt, le regard, les yeux de l'Éternel parcourt sur toute la terre pour chercher dans le cœur, tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc Dieu parcourt la terre. Que tu sois n'importe où, en train de faire n'importe quoi, si ton cœur est à lui, il est avec toi. Amen. La Bible déclare que les yeux du Seigneur sont sur le juste. Ils ne détournent pas de leur regard. Vous comprenez cela? Oui. Quel qu'en soit l'endroit, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 10, l'histoire de Corneille, vous avez vu ça, non? Oui. Quand les disciples étaient partout à Jérusalem, au là-bas, marchant là-bas, quelqu'un parmi eux savait que Corneille était là. Mais Dieu connaissait Corneille. Il a envoyé un ange du ciel aller voir un Italien qui n'est pas des Juifs. Il dit, Corneille, ta prière et tes aumônes ont été exaucées et Dieu s'est souvenu de toi. Envoie maintenant à Joppé appeler Pierre. Donc c'est Dieu qui envoie quelqu'un vers un homme. Où est-ce là? La pierre, tu peux trouver la porte de pierre. S'il fallait faire les campagnes d'évaluation pour appeler Corneille, il ne pouvait même pas savoir que Corneille était. En fait, il ne devait même pas entrer là-bas. Quand il entre là-bas, il dit que en toute nation, tous ceux qui lui sont agréables, qui craignent Dieu, ils sont agréables à Dieu. Après, il a commencé à prêcher, le Saint-Esprit descendit. Donc Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, aller prendre la première place, faire les enveloppes comme ça pour qu'il voit que le pasteur, quand il voit, il n'est pas Dieu. Lui-même, il a sa part, ça ne le laisse pas. Ça ne le laisse pas parce qu'il est cupide. Dans 2 Timothée, dans 2 Pierre qu'on a lu aujourd'hui, si vous lisez le verset 19, 20, 21, 22, la Bible déclare, la Bible déclare ceci. Il dit que il leur promet de la liberté alors qu'eux-mêmes sont captifs. Quand quelqu'un est dans la captivité, on lui dit donne ton enfant. Ouais, subitement son enfant meurt. On dit ouais, l'enfant du pasteur est mort. Il a les persécutions. Alors qu'il y a des livres, il sait de quoi il est question. Vous avez des faux pasteurs comme ça, n'envoyez pas vos enfants habiter chez eux. Ils vont gâter vos enfants. N'envoyez pas vos enfants, ne mettez pas le sentiment dessus. Vous avez un frère qui est pasteur et que vous voyez que d'après ce que vous en avez écouté là, ce n'est pas conforme, quittez-le. Il est plus dangereux qu'un fumier de chambre qui va habiter dans votre maison. Parce que le fumier de chambre, quand il fume, il commence à voir que la maison est en colline. Après, il passe à s'asseoir, il dort. Alors que celui-là, c'est un. La Bible déclare que ce sont comme le serpent. Il dit gardez-vous de deux. Parce que ce sont des loups. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils vous guettent le moment où vous attendez le moins. Mais le problème, c'est qu'ils ne vous tapent pas. Il dit avec la bouche, tu peux porter l'argent, tu lui donnes. C'est après que tu dis ouais, que tu as donné. Vous comprenez, non? Quand le fumier de Bangaï, là, tu dis, tu sais qu'il faut que je fasse ma maison à clé. Mais lui, tu lui fais confiance. Tu peux entrer n'importe où. Tu es homme de Dieu. Lucifer est dans ta maison. Faites attention. D'accord? La Bible déclare que puisque tu es ni froid, ni chaud, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Continue. Parce que tu dis, je suis riche. Stop. Vous avez vu ce que Jésus dit? Donc l'église de notre époque a son appréciation à elle. Vous allez voir, toute personne, c'est la compétition des temples. C'est la compétition des grands bâtiments. La compétition des habillements faramineux. La compétition, il faut que ça soit bien propre, c'est arrangé. Ah, parce que tu dis, le Seigneur, c'est son appréciation à lui là. Non, c'est l'appréciation de l'église de notre époque. Les gens parlent des richesses. Nous sommes riches. L'or et l'argent lui appartiennent. Nous servons un grand Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est aujourd'hui que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est aujourd'hui que l'argent lui appartient. Non. Fermez là-bas. Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 3. On va y revenir là maintenant. Regardez très attentivement. Je vais vous montrer quelque chose. Pour que vous voyez la différence entre eux et les apôtres du moment. Il n'y a pas de sentiment ici. C'est votre âme qui est en jeu, mes chers amis. Il n'y a pas de sentiment. Que ce soit quelqu'un avec qui vous avez fréquenté. Celui qui, pour la première fois, vous a parlé de Jésus. Souvenez-vous, Judas Iscariote a parlé de Jésus à beaucoup de personnes. Ils ont accepté le Seigneur parce qu'ils sont entrés au paradis. Jésus n'en est pas entré. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a conduit à Christ, comme vous dites là, que vous allez rester avec lui. S'il est en train de vous noyer, vous noyez avec lui. Alors, vous y êtes. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1, mon cher, lis. Écoutez très attentivement jusqu'à ce que tu dis stop. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Oui. Pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Donc nous voyons clairement que l'agent était là, de service ce moment-là, n'est-ce pas? Continuons. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Stop. Qui est Pierre? Disciple Jésus. Qui est Pierre? L'apôtre du Seigneur Jésus. Et ici, Jésus n'est plus sur la scène. C'est à lui que Jésus a passé le capitanat. N'est-ce pas? Et il devait entrer dans le temple avec Jean. Continuons. L'homme demanda le monde. Donc, le monsieur a demandé le monde à Jean et à Pierre. N'est-ce pas? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. C'est-à-dire quoi? L'argent. Continue. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent. » Stop. Le Dieu qu'il sait, c'est quel Dieu? Pierre sait quel Dieu? C'est Dieu-là. Est-ce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent? Oui. Mais Pierre dit ici quoi? Je n'ai ni or ni argent. Donc, comme Pierre n'avait pas là, Dieu s'est souvenu seulement des pasteurs de cette époque-ci. Donc, c'est eux seuls qui disent, eux, ils servent le Dieu d'argent et de l'or. En même temps, le premier apôtre du Seigneur Jésus-Christ, l'authentique, dit que lui, il n'a ni or, ni argent. C'est donc pour cela que dans Apocalypse, chapitre 3, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Donc, la richesse est un obstacle pour l'onction authentique du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a choisi. Remarquez très attentivement là où, dans la sous-couche de la société, c'est là où il partait chercher ses disciples. Il choisit ses disciples pour qu'ils soient riches dans la foi. Pour qu'ils ne se compromettent pas avec de l'argent. Vous avez remarqué cela? Celui-ci qui n'est ni or ni argent. Et remarquez, nous trouvons au chapitre 3. Quand il va prêcher au chapitre 2, les gens vont venir à Christ à 3000 personnes. Il n'a pas dit désormais, maintenant, comprends maintenant qu'un prédicateur doit vivre de la prédication. Hein. Il faut qu'on me donne de l'argent. S'il prenait de l'argent là-bas, il devait être riche. Pas vrai? Il n'a pas dit maintenant, donnez vos terrains pour qu'on construise. Personne n'a jamais eu cette mauvaise pensée-là. Parce qu'il savait ce que veut dire l'église du Seigneur. Maintenant, c'est l'esprit de Nimrod, de Babylone, là, qui a commencé dans Genèse chapitre 11, qui a entré dans l'église catholique. Et l'église catholique a accouché ses filles, là, un coup, elle a accouché seulement les triplets. C'est elle qui a donné ses pensées babyloniennes là, aux gens que vous avez aujourd'hui. Alors, chaque dénomination a une ramification et son ADN attaché à la grande mère, Babylone, la grande église catholique, dont la Bible déclare qu'elle va tomber jusqu'au séjour des morts. Amen. Donc la Bible les appelle à juste titre les filles. Les filles, vous lisez à chapitre 2 d'Apocalypse au verset 18 à 22, où Dieu lui a donné le temps de se repentir et de ne pas commettre fornication avec toutes celles qui causent fornication avec elle. Elle ne veut pas. Je vais la jeter sur les lits. Vous voyez, cela a des maladies et je vais frapper tous ceux qui commettent fornication avec elle. Et toutes les églises connaîtront que je suis le Seigneur, celui qui juge, qui sonde les cœurs et les reins. Donc Dieu dit ici, tu dis que je suis riche. Je vais vous montrer que la richesse est le symbole de cette époque-ci. Pour être vrai serviteur de Dieu, il faut que tu aies une limousine. Un chauffeur qui t'ouvre la porte. Quand il passe, quelqu'un doit arrêter son sac. Quand il passe, quelqu'un se baisse. Révérend pasteur, Jésus dit dans Matthieu 23, que malheur à vous pharisiens hypocrites. Vous courez terre et frères, terre et mère pour faire les prosélytes. Et quand ils sont devenus, vous les faites les candidats deux fois de la Genève pour vous. Donc ils marchent partout, que campagne d'évangélisation partout. Ils font dans les stades pour envoyer bien les gens en enfer. Vous êtes déjà prisonnier dehors avec votre pensée. Il vous prend encore en même temps prisonnier, il vous met encore maintenant dans la Babylone. Donc vous êtes prisonnier libre. Il vous met encore prisonnier enchaîné. Soyez libre en Christ, d'accord? Soyez vraiment libre en Christ. Jésus dit dans Matthieu 23 là que malheur à vous. Parce que vous dépouillez la maison des veuves. Vous faites pour cela l'apparence des longues prières. Il prie comme ça que vous donnez l'argent. Il prie pour vous bien même. Que même si tu es veuve, sème ta semence, ta maison pour le Seigneur. Dieu va te donner la récompense plus tard. Lui, il ne peut pas s'aimer. Il veut vivre sur la terre. Ils vous disent que Vous devez s'aimer pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu que vous s'aimez, souvenez-vous. Vous voulez s'aimer pour Dieu. S'aimer à la manière dont Dieu a dit dans la Bible. Quand vous faites comme Dieu a dit dans la Bible, vous êtes avec lui. La Bible déclare, mais celui qui se mettra à l'œuvre, n'étant pas inoubli, vous voyez, mettant la parole en pratique. Donc vous voyez, la Bible dit quelque chose. Faites comme la Bible a dit, vous allez le mettre à la Bible en pratique. D'accord, frère? Donc l'apôtre Pierre dit que je n'ai ni or ni argent. Or, il sait le Dieu qui a l'or et l'argent, comme les prédicateurs de Jésus disent. Il croit que c'est aujourd'hui que Agé chapitre 2, verset 8 est sorti. Et même Dieu, en de parler, il ne parle pas de l'argent, le CFA, le héros, le dollar, c'est pas ça dont il allait parler. Les minéraux, le sous-sol appartient à Dieu. C'est ça dont il est question. C'est ça, n'est-ce pas? Continuons maintenant l'Apocalypse. Courage à vous tous. Courage à vous tous, mes soeurs et frères. Courage. Oui. Parce que tu dis, je suis riche. Oui. Je me suis enrichi. Stop. Comment cette église s'est enrichie? Vous devez donc vous poser des questions par rapport aux bénédictions qui viennent au milieu de l'église. Il dit, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Donc vous voyez que l'église de cette époque se vante de la richesse. Et ils disent qu'ils se sont enrichis. Mais ici, le Seigneur Jésus est en train de les dénoncer pour montrer que leur prospérité ne vient pas de lui. Sinon, il ne dénoncerait pas cela. Je veux que vous saisissiez ce qu'il en dit. C'est fracassant. Si la prospérité dont le Seigneur est en train de dénoncer au milieu de l'assemblée venait de lui, il ne dénoncerait pas cela. Il dit, vous dites, je suis riche. Alors dans ce cas, Tous ces sommes faramineuses que tu vois au milieu de l'assemblée, toutes ces richesses mondaines qu'on présente là en disant que Dieu nous a bénis. Nous avons un temple de 30 000 places. On dit, oh Amen, Amen, gloire à toi Seigneur. Vous dites gloire à toi, Dieu dit que ça ne vient pas de moi. Qui leur a donné? Continuons frère. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est pour ça qu'ils n'ont plus besoin de rien. Ils ont fait leur propre activité. Ils font les entraînements, les camps de concentration, ils font des retraites spirituelles, ainsi de suite. C'est la routine chaque année. D'autres encore qui sont plus intelligents comme les catholiques, ils ont écrit d'avoir les différentes prédications de toute l'année. Donc on connaît que tel dimanche, c'est tel chose qu'on va prêcher. Tel autre dimanche, c'est la sorcellerie. Vous le dites, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Grave encore, d'autres invitent même les francs-maçons prêcher. C'est mélangé vraiment. Continuons, continuons. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous avez vu les descriptions de l'église de l'époque. Le plus grave, ce n'est pas être nu. Ce n'est pas être pauvre. Donc, ça veut dire que pour la pauvreté, ils l'ont. Mais ils ne savent pas que le bien éphémère qu'ils ont là, c'est l'aveuglement. Mais le plus grave de cette phrase que tu viens de lire, c'est que tu ne sais pas. Donc, l'église de notre époque a besoin d'un réveil. Ça veut dire qu'ils sont plongés dans l'ignorance. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils enseignent. Donc, ce qu'ils enseignent, c'est l'esprit de l'ignorance qu'ils sont enseignés. D'où le même esprit de prospérité qu'ils ont reçu, ils peuvent réitérer ça aux gens. Ils enseignent. Oh, j'enseigne comme ça, c'est les lois, les sept lois spirituelles, sept clés pour ouvrir les portes de tes bénédictions. Vous voyez, ça va tourner autour de cela. Les sept lois pour réussir dans la vie, pour prospérer dans la vie, pour être un bon leader, pour bien réussir. Ça ne vient pas de Dieu, tous ces enseignements. Ainsi parle le Seigneur, ça ne vient pas de lui. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà l'extampille, la description, la correction du Seigneur par rapport à notre église, de notre époque. Continue mon frère. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Oui. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Oui. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez vu cela, hein? Et l'extampi que l'Esprit s'adresse aux églises. L'Esprit a dit s'adresser aux églises. Donc ce qu'il a dit de parler s'adresse aux églises. Et les églises sont sur la tête, disent, j'ai la joie, hey, dans mon cœur, Jésus est ma source de joie. Jésus dit, je ne te connais pas, tu es nu, tu es très très pauvre sur terre. Qui a le vrai cantique? Jésus dit la vérité, n'est-ce pas? L'Esprit s'adresse à l'église, notre époque a besoin de repentance. L'Esprit s'adresse à l'église, il est prêt à faire route avec ceux qui vont se plier sous sa repentance, accepter son châtiment et son redressement. Parce qu'il a dit qu'il reprend et il châtie tous ceux qu'il aime. D'accord? Êtes-vous prêts donc à le faire? Oui. Alors maintenant, voici la pierre d'achoppement. Ne commencez pas sans avoir mesuré le prix. Ne commencez pas sans avoir mesuré le prix. Vous savez que ça ne va pas vous laisser. Rentrez nyangalement chez vous tranquillement. Vous continuez votre style de vie. Vous avez un homme dans votre vie qui n'est pas votre mari. Allez devant lui maintenant. Pas demain, maintenant. Vous dites, mon cher ami, je ne vais pas aller en enfer. Passe ta route. Vous avez compris? Il vous a acheté n'importe quoi. Voiture, maison à lui, n'importe quoi. Laissez là-bas. Même pas le slip qu'il vous a acheté ne doit rester avec vous. Laissez-le avec cela que donne sa autre personne. Je ne suis plus là. C'est mieux d'entrer avec le short étant dans la vie éternelle. Vous avez suivi, mes chers? Vous avez suivi? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez engager dans la repentance, le travail de la repentance et la sanctification. Vous devez être révolutionné à l'intérieur de vous. Que vous devez vivre maintenant seulement et seulement pour le Seigneur Jésus. Vous devez accepter que le Seigneur vous corrige, redresse votre vie et mette sur les rails comme il veut. Pour cela, ça va vous coûter. Ça va vous coûter les moqueries de la part des amis, de la famille, des railleries. On va te dire que tu crois que tu sais Dieu plus que tu es Sainte Marie. On va te dire clairement que regarde comment tu es devenu laide comme une maman de 4e siècle. On va te dire qu'aujourd'hui, on croit que c'est ce que tu as dans la secte. On a sucé ton cerveau. Dit qu'on a bien sucé. Ce qui était impur là-dedans, maintenant, ton cerveau est pur. Donc, je recommence encore. Vous devez vous servir le Seigneur. Vous voulez servir le Seigneur. Alors, vous devez vous repentir. A tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse.